Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, enfin juste le premier, pas la trilogie en entier, faut pas déconner. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Je suis avec Exerve. Salut. Et nous sommes réunis pour l'ultime épisode de la saison 4, ça y est, c'est une page qui se tourne. Ah là là, que d'émotions. Souvenez-vous, on arrive à... Moi j'ai des petites choses là dans le ventre, on j'ai est quand des même petits à l'épisode papillons. 83. C'est ça. Effectivement, 83 ouais. Et évidemment épisode Blacklist, ça y est, qui vient vraiment clôturer le vote de la prochaine Blacklist. Alors je réexplique un petit peu le concept, hein. L'année dernière on vous avait fait voter pour des jeux et on les a fait au cours de cette saison, et là c'est le dernier qu'on va faire, donc c'est Mass Effect. C'est vous qui avez décidé d'envoyer le commentaire dans Shepard sur le grill là, c'est vous qui avez décidé, il faudra vous en prendre qu'à vous-même. Et l'année prochaine on fera donc, on a choisi donc les jeux, il y aura Okami, il me semble, il y aura Fallout 2, il y aura Bioshock Infinite et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Voilà les quatre jeux que vous avez sélectionnés parmi les listes qu'on vous avait proposées. Et donc, bah voilà, ce sera fait au cours de la saison 5 que nous préparons activement. Et voilà, qui sera là en septembre. Sereinement, oui, on essaie d'être le plus serein possible, parce que là, on a vraiment le programme qui est dessiné quasiment sur toute la saison. Donc voilà, on va pouvoir attaquer ça. Ça va être un grand autoroute, des blockbusters, des jeux indés, des jeux rétro. Voilà, ouais, on vous avait préparé une grosse saison 5, hein, c'est le moment, il faut teaser. On a vraiment un gros programme. Et bien sûr, on vous donne aussi rendez-vous en fin d'année pour un nouveau vote. Oui, pour la prochaine, voilà. 3.0. Voilà, c'est ça, on verra ce qu'on fera d'ici ça là. Ça sera du vote to earn, je sais pas. Du vote to earn. C'est comme le web 2.0, non, 3.0. Non, mais oui, voilà. Mais c'est nous, une après, bonne on idée. Sera en avance, tu vois, on sera déjà à 4, 5.0, on va faire des NFT, des choses comme ça. Voilà, plein de belles choses, finalement, qui arrivent dans Fin du Game. On vous remercie, évidemment, sur le Patreon, les personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints, qui repartent. C'est pas grave, on vous aime quand même si vous nous avez soutenus pendant un moment. Voilà, le Patreon, c'est grâce à vous, c'est vraiment la colonne vertébrale de cette émission, j'ai envie de dire, donc merci. J'allais dire les fondations, mais colonne vertébrale, c'est bien aussi. Oui, parce que c'est un être vivant, finalement, c'est un amalgame de plein de pensées. Ils sont légion. Nous sommes légion, et nous sommes vraiment légion. D'ailleurs, sur le Discord, on est quelques milliers maintenant, bientôt une cohorte. Hein. On remercie également notre sponsor pour cet épisode, c'est le PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus. Je le rappelle, c'est donc le service d'abonnement en ligne de PlayStation et qui vous donne accès à différentes ludothèques en fonction des paliers que vous sélectionnez. Et on va vous les présenter encore une fois. Le premier, c'est le PlayStation Plus Essential, hein, c'est un petit peu le PlayStation Plus de l'époque. Ça donne accès donc aux jeux en ligne, il y a des jeux qui sont offerts tous les mois. Ça coûte 8,99€ par mois ou 59,99€. Par an, et si vous êtes sur PlayStation 5, ça donne aussi accès à un catalogue de jeux. Ouais. Il y a notamment Bloodborne, hein, pour certains, peut-être qui je sais, est-ce que tu conseilles Bloodborne, je conseille, après j'ai pas forcément besoin d'y retourner encore une fois, c'est bon. Alors, moi j'en ai entendu beaucoup de bien. Tu connais, faudrait que tu fasses un moment. Ça peut te plaire. Et il y a quelques autres Usual Suspects, ouais. Notamment God of War ou Uncharted 4 par exemple. Le palier juste au-dessus, c'est le PlayStation Plus Extra, c'est 13,99€ au mois ou 99,99€ à l'année, et là donc en plus de ce qu'on vient de voir, on a accès à tout un catalogue de quelques centaines de jeux, parmi lesquels il y a des jeux de la génération précédente, des jeux actuels et même des nouvelles sorties, puisqu'il y a Stray qui est sorti directement en Day One dedans. Et Stray, bon bah c'était cool, on a bien kiffé toi et moi. Hein. Ah bah les potichats de toute façon, oui, c'est toujours... on savait que ça allait marcher sur nous. Voilà, ouais, voilà, de base on était pris. Hein. Et puis enfin, le dernier palier, c'est le PlayStation Plus Premium à 119,99€ à l'année, 16,99€ au mois, et lui il intègre tout ça, il intègre en plus de tout ça la possibilité de jouer en streaming, et ça du coup c'est aussi disponible sur PC, ça c'est quand même important, c'est à dire que vous pouvez accéder à tous ces jeux là aussi sur PC via ce palier là. Et puis il y a aussi un autre catalogue qui s'ajoute, décidément je bégaye aujourd'hui, avec les classiques PS1, PS2, PSP, PS3, mais pas que, puisqu'il y a aussi accès à des versions d'essai des derniers gros jeux qui sont sortis sur PlayStation 5. Il y a notamment le dernier Horizon, j'ai vu Cyberpunk 2077 aussi, vous pouvez aller y jeter un œil via une version d'essai, et puis il y a aussi la collection Uncharted. On remercie une nouvelle fois Sony et PlayStation Plus pour soutenir cette grande entreprise qui est Fin du Game, et maintenant on va pouvoir passer à notre jeu du jour, Mass Effect. Et peut-être la petite précision, quand on a lancé le vote, on ne savait pas si on allait faire juste Mass Effect 1 ou la trilogie, c'était encore un peu en... On avait dit juste Mass Effect, hein, donc voilà, on avait gardé les fesses propres quand même. Large d'épaules et voilà, plein d'espoir. On ne savait pas forcément sur quel pied on allait danser, mais au final, déjà, il y a ce truc qu'on a quand même observé que quand on fait des épisodes sur des sagas, on a tendance à survoler forcément un peu plus. Bah, à chaque épisode, on rentre un peu moins dans le détail et on sait qu'on peut vous laisser un petit peu sur votre faim, donc du coup, c'est toujours... plus simple en fait pour nous de se concentrer sur un jeu. Et puis voilà, il se trouve aussi que voilà, faire les trois jeux pour l'émission, on avait l'espoir en début d'année, et puis voilà, les plannings se sont enchaînés, etc. Et il se trouve que personne ici a fait le 1, 2, 3. Max, toi, t'es quasiment en train de finir le 2 là au moment où toi et moi, on n'en avait fait aucun. Moi, j'ai juste fait le 1 via la version Legendary. C'est ça. Du coup, moi, j'ai fait 1 et 2, enfin quasiment 2 la Vanilla. Mm-hmm. Et toi, Benoît, t'avais fait les deux premiers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait le 1 et j'avais arrêté le 2 en plein milieu à l'époque, et du coup, bah, j'avais jamais lancé le 3. Par contre, du coup, pour l'émission, je me suis aussi amusé à lancer Andromeda pour voir un peu à quoi ça ressemble l'évolution. Donc ça nous donne comme ça quand même une espèce de perspective sur ce premier jeu Mass Effect. Et puis qui sait, peut-être un jour on aura l'occasion de revenir sur la série ou sur BioWare. Exactement, de toute façon, on s'est dit autant se focaliser sur ce premier épisode, faire tout ce qu'il y a à dire dessus, et puis voilà. Oui, mais surtout comme tu disais, si on veut faire l'histoire des 3, le lore des 3, en fait c'est juste trop quoi. Oui, plus je pense tous les DLC, les machins, etc. Oui, ça commencerait à devenir assez complexe, donc voilà. On se réunit autour d'un premier épisode, et puis en plus on va avoir le droit à une bonne musique pour commencer. Ah oui, cette ça émission. A été choisi, c'est ah bon, bah évidemment. Là, la BO de Mass Effect, il y a ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qu'on va écouter? Eh ben, je sais pas exactement. Ça sera évidemment DJ Max. Moi, j'avais mis le thème principal. Il y a le thème de Vigil que j'aime vraiment beaucoup, moi. Donc, j'aimerais bien l'entendre à un moment donné. J'avais proposé aussi la musique des crédits, hein, parce que ça, le petit M4 par 2 de Font, ça. Pas la du musique pâté. D'ascenseur pour Captain RGB que nous saluons du Discord. Non, la musique d'ascenseur, on peut l'oublier. Moi, j'aime bien la musique quand il y a le choix des planètes, tu sais, quand t'es sur la carte des gars. Ah, elle est bien aussi, ouais, c'est l'air. De toute façon, ce petit passage-là, la zik, elle est cool, de toute façon. Bon, eh bien, écoutez, on verra ce que Maxime a choisi et on se retrouve juste après. Alors, Mass Effect, c'est sorti le 20 novembre 2007 sur Xbox 360, c'est sorti un petit peu après sur PC, quelques mois après, je crois que c'était en mars 2008, et puis c'est arrivé sur console PlayStation en 2012, en même temps en fait que la sortie du 3, et puis comme je l'ai dit d'ailleurs, moi j'ai joué sur la Legendary, ça c'est une version remasterisée, un peu upgradée quand même, je pense, hein. Je crois qu'ils avaient fait quelques modifs sur le premier. Ils ont essayé d'unifier un petit peu les contrôles et le game feel, donc un peu plus des éléments de gameplay entre les trois épisodes. Dans le 1, globalement, ce qu'ils ont changé, c'est la gestion de l'inventaire, qui est un peu plus automatisée. Et on gagne évidemment la possibilité de squeezer les parties dans les ascenseurs. Parce que moi, j'ai fait le jeu à l'époque sur Xbox 360, donc ces minutes perdues de ma vie dans des ascenseurs, je m'en souviens très bien. Bah là, j'ai fait la Vanilla, donc il y a quand même, en termes de temps de chargement, c'est très rapide, mais les ascenseurs, bah, tu peux pas y couper, quoi. Ouais. Et donc, c'est édité par Electronic Arts, c'est développé par BioWare, et c'est la première fois que nous parlons de ce studio iconique, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ce mot iconique, j'aime l'utiliser à toutes les sauces. Il y a beaucoup d'icônes, en fait, dans le jeu vidéo, vous le saviez. Et donc, BioWare, ce studio, bah, on va revenir sur son histoire, et c'est Benoît, évidemment, notre expert. Qui va s'y plonger. Ah oui, ah, BioWare. Oui. Et ben en fait, c'est un studio donc canadien au départ qui est fondé. Et ça, c'est assez intéressant parce que on est en 95 et il y a 6 personnes. Et au départ, il y a une espèce de petit noyau de gens qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac de médecine, qui sont des médecins. Ils ont eu chacun leur petit diplôme. Alors on peut les citer. Il y a Ray Musica, Greg Zetschuk, je ne sais pas comment ça se prononce, et enfin Augustine Yip. Et en gros, c'est des gens qui, en parallèle de leurs études, de leur internat, ils parlaient beaucoup de jeux vidéo. Ils parlaient beaucoup d'informatique, voilà, c'était des geeks, hein, comme on dit aujourd'hui. Ils jouaient des jeux de rôle, ils jouaient des jeux de rôle. Ouais, c'est, nerds, voilà, on est vraiment dans le classico-classique. Et en fait, ils ont décidé de développer leurs propres jeux et surtout des propres logiciels éducatifs liés à la médecine. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont fait le BioWare, puisque Wear Software, Bio, la médecine. Oh là là là là. Et, non, mais attends, et pour on une fois qu'on a une explication. Oui, on apprend des vraies choses dans ce podcast. Hein. C'est pas Housemarque, tu vois, comme la dernière fois, où on va prendre. Prendre pineapple, pen et pff, voilà, non, ça va, on connaît. Oui, alors là, non, c'est BioWare et pff, ça. Ouais, mais c'est différent. Il y a c'est du software pour la médecine. Voilà, exactement. Ils ont quand même développé un premier jeu qui va sortir en 1996. Ça s'appelle Shattered Steel. J'y ai pas joué, hein, personnellement. C'est édité par Interplay. Et de ce que j'en ai compris, c'est un MechWarrior-like. C'est-à-dire que c'est un simulateur de mecha à la première personne. Waouh. Et à l'époque, ils se financent. Il y a un peu deux sources de revenus. Il y a le fait qu'il y ait quand même 3 médecins, tu vois, qui bossent. Donc ça leur assure un certain rendu, parce qu'ils pratiquent à côté. Bourgeois. c'est vrai que les médecins aux États-Unis, là, c'est Canada. Oui, non, mais c'est pareil. C'est pas une fois que tu y es, normalement. J'avoue, je connais pas exactement un détail, mais en tout cas, mais a priori, voilà, ils gagnent suffisamment leur vie. En tout cas, concernant le système de santé, il y a un des deux pays qui s'appelle les États-Unis et l'autre le Canada. Mais voilà, c'est la seule différence globalement entre les deux. Et l'autre chose intéressante, c'est que justement, leur statut de médecin leur permet aussi de pouvoir contracter en fait des emprunts auprès des banques qui se disent ils sont a priori solvables. Financièrement, donc c'est un peu leur... Les petits geeks, ils veulent faire leur truc, vas-y, prêtez-leur de l'argent, au pire, on peut pas perdre, donc ça va. Et donc, mine de rien, d'un point de vue financier, le statut de médecin, c'est un petit peu c'est même complètement ce qui leur permet de financer le jeu, parce qu'il y a 12 personnes, je crois, qui bossent sur ce jeu. Oui, ce qui est déjà pas mal à l'époque. Et le jeu, il fonctionne plutôt bien. Ça leur attire déjà une toute petite notoriété, sachant qu'en parallèle de ça, ils continuent de bosser. Hein. Ils ont chacun leur petit cabinet, etc. Ils ont également développé une petite démo qu'ils ont appelée Battleground Infinity. Et là, leur objectif à l'époque, c'est vraiment de faire un simulateur de jeu de rôle, comme ils font sur leur jeu de rôle habituel. Et ils décident de présenter cette démo, ce proto-là, à tout un tas d'éditeurs. Et à l'époque, il y a Interplay qui se retrouve à avoir acheté la licence Donjons et Dragons auprès de Wizards of the Coast. Et ils leur disent, votre truc là, ça va être nickel pour faire un jeu Donjons et Dragons, et c'est comme ça qu'on va se retrouver un jour avec Baldur's Gate. Et on peut déjà noter que à l'époque, ils ont déjà quasiment toujours deux jeux, en fait, en production. BioWare, vraiment, de 96, en gros, à 2000, on va dire 5, on en parlera jusqu'à Jade Empire, c'est quasiment un jeu, tous les ans, il y a des extensions, enfin, ils carburent vraiment en termes de sortie. Et non seulement ils carburent, mais en plus, ils montent énormément en charge, puisque avec Baldur's Gate, ça devient un projet vraiment d'ampleur pour eux. Ils montent jusqu'à 60 salariés. Rappelez-vous qu'on est en 96, il y a assez peu de studios qui peuvent se permettre d'aligner autant de gens. Et ils vont bosser pendant 3 ans, ce qui, encore une fois, est énorme pour l'époque. Gros, à cette époque-là, Mais Baldur's Gate, vous le savez peut-être, ça sort en décembre 98. C'est un énorme succès critique et commercial. Hein. On est à plus de 3,5 millions de copies en 2001. Et de toute façon, pour les gens qui font du RPG sur PC, hein, le CRPG, Baldur's Gate, c'est vraiment un truc un peu pilier encore aujourd'hui. C'est devenu une grosse ref, et d'ailleurs le revival des dernières années du RPG un peu classique s'appuie sur les bases d'un Baldur's. C'est d'ailleurs le seul jeu BioWare que j'ai fait, moi, avant Mass Effect. C'est un peu ma petite carte, parce que, bon, voilà, Hugo et moi, on est un peu le... on fait du jeunisme un peu dans cette émission, et moi, c'est une de mes cartes joker où je peux dire, non, mais j'ai fait Baldur's Gate en 98, moi tu aussi, es un vrai gamer, c'est bon, c'est validé. Non, mais ça me rassure, tu vois, ça me fait un peu plaisir, je me dis, bon, quand même, voilà, il y a deux, trois trucs où vous êtes un peu... Mais cela dit, Hugo nous disait en off tout à l'heure qu'il a joué à Baldur's Gate Dark Alliance, qui est le penchant Diablo-like, oui. Et donc, tu et as sur été console, contaminé. Effectivement, ouais. Bref, le moteur qu'ils ont développé conserve le nom en fait du projet original, hein, et c'est un moteur maison qui s'appelle le Infinity Engine, qui va en fait être licencié. Ils vont le créer, ils vont faire en sorte que d'autres gens, ouais, d'autres studios puissent l'utiliser. Va y avoir notamment le studio Black Hills qui va développer Planescape Torment, encore une fois un autre gros jeu culte du RPG. Il y a Icewind Dale qui est aussi dans l'univers de Donjons et Dragons, et même avec une version extrêmement modifiée, The Witcher 1. Je vous invite à lire mon livre. Il n'y a pas de raison, hein. Non, mais pour l'histoire de tout ça, en gros, en très résumé, c'est des projets qui voulaient développer un jeu. Au début, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à BioWare de pouvoir sortir Baldur's Gate en polonais directement, ouais, là-dessus. Ils leur ont filé le code source et tout, et ils ont gardé en fait le logiciel par la suite. Et c'est avec ça qu'ils ont fait The Witcher 1. Vous pouvez aussi écouter le podcast, hein. Je pense Witcher, oui, 3, oui, dans on l'histoire. On en parle aussi, probablement. Oui, ben voilà, achetez les livres, oui, voilà, le game, achetez tout. De toute façon, ça se le podcast fait la pub du bouquin de toute façon, donc oui, vous, oui, y voilà, retrouvez. Mais pas que. Vous connaissez le principe. Et déjà à l'époque, avec Baldur's Gate, il y a ce système de pause active, ouais, qui est très important. On n'est pas dans du tour par tour, on est dans un jeu en temps réel qu'on peut mettre en pause à tout moment avec un énorme ralentissement du temps. Et ça va devenir, avec d'autres aspects, une des grandes marques de fabrique de BioWare. Parce que juste pour préciser un peu la pause active, donc on fait pause et c'est un moment où nous, le joueur, on peut assigner des tâches à ce, ouais, moment-là. Et dès qu'on annule la pause, les tâches seront faites instantanément, ouais, en fait. Donc c'est un petit avantage, c'est un peu du bullet time, on va réfléchir à tout ce qu'on va faire et tous les membres de notre escouade vont exécuter les ordres qu'on leur a donné pendant la pause. Et c'est vraiment pour l'époque, enfin déjà à l'époque c'est quand même un gros, une grosse innovation, parce que c'est vrai que les RPG on est plutôt dans du tour par tour, le temps réel n'est pas encore complètement dispo, et surtout là ça se fait avec le système de jeu de Donjons et Dragons 2, enfin de Advanced Dungeons et Dragons, donc forcément ça touche énormément de monde. Ils vont continuer de bosser là-dessus puisqu'ils vont sortir une extension qui s'appelait Tales of the Sword Coast. En parallèle, ils bossent également à, je sais plus quel est le studio, mais ils font MDK2, qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et c'est à cette époque d'ailleurs que Casey Hudson rejoint le studio. Ça sera le papa de Mass Effect, hein, donc on va en reparler. Et en parallèle, il travaille également sur Baldur's Gate 2, qui lui il sort à la fin de l'année 2000, donc on est à peine 2 ans après. C'est encore un énorme succès, ça fait probablement partie, et je dis ça, je pèse mes mots, des plus grands RPG qui soient jamais sortis. Donc si vous n'avez pas fait Baldur's Gate 2, faites-le, c'est très très bien. Oui. Merci, alors, promis. Je sais qu'il y a une version sur Switch, mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment est géré l'inventaire et compagnie. Ouais, et j'avoue que j'ai peur, ouais, de ces portages. Je sais que la version remaster ou HD de Baldur's Gate 2 sur PC, elle est très bien. J'avoue que sur Switch, je m'engagerai, ouais, pas là-dessus. Regardez peut-être des tests avant ou quoi pour savoir comment c'est géré. Mais il est dispo sur iPad, petit Hugo. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. Encore plus. Ça dure quoi? Ça doit durer que 60 heures, un truc comme ça. Ah, c'était peut-être pas si long. C'était une quarantaine d'heures. Bref, ça reprend évidemment les codes de Baldur's Gate, et on peut noter déjà qu'à cette époque-là, il y a deux choses qui sont très importantes et qui font partie de l'ADN de BioWare. Il y a les romances, on va pouvoir un peu vraiment faire jouer son cast de personnages et leur faire avoir des relations entre eux, et on peut conserver sa fiche de perso du premier vers le 2. C'est pas incroyable et ça a pas autant de conséquences, on va dire, que dans un Mass Effect, mais c'est déjà présent, et le fait qu'ils y aient pensé à l'époque, c'était, je trouvais, une excellente idée. Donc on est au début des années 2000, à ce moment-là, Interplay va faire faillite et BioWare, en fait, va à réussir à conserver les droits d'exploitation de la licence Donjons et Dragons, et ils vont sortir avec Infogram, c'est l'époque où ils sont rachetés par Atari, qui change, ouais, de nom, c'est un bordel sans nom, on va juste dire Infogram, et ils vont développer Neverwinter Nights, qui sort en 2002, je tenais à le citer, parce que c'est un jeu qui est assez important dans l'histoire du RPG, parce que c'est un des premiers qui propose de créer ses propres campagnes, ses propres contenus. En fait, il était livré avec tout un ensemble de logiciels et d'outils pour créer ses campagnes, ses scénarios, ses quêtes, etc. Donc voilà, à l'époque, Neverwinter, c'était un jeu qui était assez important. Puis c'était un jeu full 3D avec du online. Ils étaient quand même vachement, on va dire, à la page. Oui, tu pouvais partager les scénarios. J'avais vu online, ouais, y avait ça. Et je ne sais pas à quel point ça a pu marcher. Parce que c'est le genre d'époque où il y a eu plein d'initiatives où c'est un peu trop tôt, tu sais, pour le online, où les gens n'étaient peut-être pas prêts ou quoi. Je ne sais pas du tout à quel point ça a fonctionné. Neverwinter, ça s'est bien vendu. J'ai pas noté les chiffres de vente, mais je sais que les shards de Neverwinter, enfin le nom des petits serveurs, on appelait ça les shards. Il y avait vraiment quand même beaucoup de choses qui étaient disponibles. Alors évidemment, on n'est pas, tu vois, sur des chiffres à la World of Warcraft ou quoi, mais voilà, ça a connu son petit bout de chemin. Et du coup, donc Neverwinter Nights, c'était 2002, mais il y a un autre événement très important dans l'histoire de BioWare, mais il faut remonter un petit peu en 99, puisque c'est LucasArts, hein, l'époque où du coup, bah, il y a plein de jeux Star Wars qui sortent. Ils veulent leur RPG Star Wars, ils contactent BioWare, donc... Bah, c'est pour un studio, pour, on a dit, des nerds qui font du jeu de rôle, c'est le genre de proposition, Star Wars, ça leur dis pas non, ouais, clairement. Et donc il y a Casey Hudson donc, qui bossait sur MDK2, qui du coup devient director sur donc, ce qui s'appellera KOTOR hein, pour Knights of the Old Republic. Et on y trouve aussi donc Drew, alors on est aussi sur il s'appelle Drew, il s'appelle juste Drew. Ouais, Karpyshyn, on va le dire quand même, qui était donc auteur sur Baldur's Gate 2, lui qui écrit beaucoup, il écrira des romans, je crois, de l'univers Baldur's Gate 2, donc Donjons et Dragons, il écrira aussi des bouquins sur Star Wars et tout, et si je le cite, c'est parce qu'il sera aussi auteur sur Mass Effect, et de la team Mass Effect, donc en plus de Casey Hudson ou de Drew, on y retrouve déjà aussi Preston ou Watamaniuk au game design, et Derek Watts, qui est à la DA, donc tout ce petit équipage, là, les 4 personnes que je viens de vous citer qui bossent sur KOTOR, en fait, on les retrouvera sur Mass Effect, donc c'est pour ça que c'est important de le citer, puisque bon, en plus, KOTOR, bah, c'est déjà, c'est l'arrivée de BioWare sur console aussi. Je sais plus s'il y en avait déjà un jeu. Non, pas officiellement. Premier, ouais. Ouais. Ça doit être le premier, et c'est un très gros succès. C'est à ce jour, c'est peut-être le plus gros succès. À ce jour, pardon, du coup, vers 2000, ouais, c'est peut-être le plus gros succès de BioWare, hein, sachant que bon, tu l'avais déjà dit quand même, Baldur's Gate, 3,5 millions de ventes, c'est énorme à l'époque quand même. Et puis KOTOR, c'est resté, enfin vraiment. Ouais, c'est bah, un truc d'ailleurs, il y a un remake qui est en cours de production, et c'est pas surprenant parce que ben, du coup, on en a parlé un petit peu des jeux Star Wars quand on avait fait le Jedi Fallen Order, pardon. Oui. Et c'est vrai qu'un jeu de cette ampleur avec le côté RPG, genre vivez votre aventure vraiment de Jedi, etc. Enfin, de personnages dans l'univers de Star Wars, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, le fait qu'ils fassent un remake, ça ne me choque pas du tout. Et quand tu regardes, parce que moi, c'est un jeu que je n'ai pas fait à l'époque, et si tu regardes aujourd'hui un petit peu du Let's Play de KOTOR ou quoi, tu vois qu'ils ne sont pas partis de rien pour faire Mass Effect. Hein, parce que, comme on a dit, voilà, univers Star Wars, Space Opera, c'est dans des vaisseaux, il y a du chant contre chant, des dialogues pas totalement doublés, mais souvent doublés. Donc, je crois que ce n'est pas doublé quand ton personnage a le choix entre 10 trucs, et évidemment, ils n'ont pas à l'époque tout doublé. En fait, le cast est doublé, mais pas toi. Ouais, okay, c'est fait ça. Partie des jeux où le PJ est pas joué. Ouais. Mais on voit bien un peu la matrice de base. Et l'anecdote que je trouve assez ouf, c'est que en fait justement cette expérience leur a tellement donné envie de développer leur propre univers que quand LucasArts leur propose de faire KOTOR 2, ils disent non, on va faire notre propre truc. Ouais, c'est vrai que ça demande quand même un petit peu, tu vois, d'être droit dans ses bottes et d'avoir les reins solides, hein, pour après, dire à Star voilà, Wars. Je pense non, que c'est, tu vois, c'est un studio qui avait confiance et confiance en lui et ce qu'il avait pu proposer jusqu'ici. Donc en fait, qu'il puisse se dire bon bah on a fait ce qu'on nous a demandé de faire maintenant sur Star Wars. Venez, on fait notre propre truc. Mais c'est vrai que c'est une bonne décision. Mais ça existait, KOTOR 2, on est bien d'accord. Ah oui, c'est Obsidian qui l'a développé. Ouais. Obsidian, qui est un studio un peu cousin, entre guillemets, ouais, voilà, des potes. Ça, ouais. Parce que, bah, ils ont développé pas mal de RPG de leur côté aussi. Ça fait partie des grands noms, hein, du RPG. Et il y a toujours d'ailleurs des comparaisons entre KOTOR 1 et KOTOR 2, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que, ben bah, oui, effectivement, à ce moment-là, BioWare, ils sont au sommet de ce qu'ils peuvent proposer. Mm. Ils ont enchaîné des succès de ouf avec Baldur's Gate. Ils ont fait Neverwinter. Et là, ils ont eu KOTOR, vraiment, qui est un peu le crown jewel de leur travail. Et donc, ben, ils se lancent dans leur propre univers et en parallèle de développer, on va dire, parce que ça va leur prendre beaucoup de temps, on va y revenir, de développer Mass Effect, ils vont bosser avec Microsoft, qui est en train de mettre en avant une petite console qui s'appelle la Xbox. Et ils décident de faire un action RPG, puisque du coup, le RPG plus classique, ça va pas forcément avec l'idée de la console. Ouais. Et donc, ils développent Jade Empire, qui est un jeu qui se déroule au pays de Tigre et Dragon. C'est pas incroyable, voilà. Moi, je tiens à le dire que j'ai pas du tout trouvé ça bien, mais malgré tout, ça permet de cimenter, on va dire, la relation entre Microsoft et BioWare, qui va durer quand même un petit bout de temps, parce qu'on avait cité Electronic Arts en édition, mais il est co-édité par Microsoft Game Studio. J'avais oublié de le dire, mais Mass Effect, Microsoft va d'abord être le premier financeur pour Mass Effect, et en fait, c'est EA qui va reprendre quand ils vont racheter tout simplement BioWare à la fin. C'est ça qui fera qu'il y a co-édition. Et ben justement, on peut revenir sur la production de Mass Effect. Et du coup, c'est en 2003 que Casey Hudson commence à proposer et à pitcher le projet au sein de BioWare. C'est ça. Alors, j'ai oublié quelle année c'est KOTOR, mais en gros, ça c'est au lendemain de KOTOR, a priori, de la sortie de KOTOR. C'est 2004 KOTOR, je crois. J'ai un doute. Ou à la fin du dev, en tout cas. Oui, c'est dans ces eaux-là, ouais. C'est quasiment simultané, ouais. Et donc, Casey Hudson, il y a cette volonté, en fait, de faire cet univers de SF, et il va réunir, donc il reste plus que les deux membres fondateurs, vraiment, à BioWare, donc Ray et Greg, et il va leur pitcher, du coup, cet univers. Il y a des étoiles plein les yeux, 1000 planètes. Non, c'est pas ce qu'il dit, mais il y a quand même, je crois, des centaines de planètes, hein, de mémoire. Il veut du online grâce au Xbox Live, parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être le partenariat avec Xbox, avec Microsoft, pardon. Déjà, cette idée de trilogie qui va prendre les choix en compte tout au long des opus, et 4 ans de dev, ne serait-ce que pour le premier jeu, ce qui à l'époque pour BioWare est quand même plutôt vénère, et feu vert. Le BioWare lui dit ok, let's go, on va faire ton univers, mon petit Casey. Et donc en fait ils vont prendre près d'un an, hein, de 2003 à 2004, pour simplement mettre en place tous les éléments de pré-production. Donc ils ont réfléchi à l'univers, les règles, les personnages, les races extraterrestres qu'on va croiser, comment le monde y fonctionne, est-ce qu'on va avoir du voyage dans le temps, du voyage dans l'espace, bref, toutes ces règles qui font l'univers de Mass Effect est développé à ce moment-là, et la production elle démarre en 2004, sachant que dès le début c'est prévu pour être une exclue Xbox 360. Grosse équipe sur le jeu, parce qu'on est à plus de 130 personnes là-dessus. La grosse partie de la production a d'ailleurs été consacrée à développer les outils du jeu, puisque à l'époque un des arguments, et encore aujourd'hui un des trucs pour lesquels on se souvient de Mass Effect, c'est notamment son système de dialogue avec la roue des dialogues, qui leur a pris énormément de temps à développer et à intégrer, et ils ont développé tout un tas d'outils aussi pour faire surtout, les cinématiques. Ils changeaient de génération, ils passaient, ils avaient fait déjà un petit peu de console, ils avaient fait avec KOTOR, mais là c'est nouvelle génération, nouvelle architecture, la HD qui arrive, donc on imagine qu'en fait c'est le moyen de vraiment rentrer dans une nouvelle dimension, de commencer à taffer sur Mass Effect, et du coup crunch de crunch de l'enfer. Mass Effect, ça fait partie des jeux qui manifestement étaient vraiment horribles pour les équipes. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai écouté une des confs GDC qu'ils ont donné à l'époque, où il n'y a plus la vidéo mais il n'y a que l'audio, et c'est un des directeurs audio justement qui en parle, et qui disait que ils ont mis des mois à s'en remettre, et que du coup même quand le jeu est sorti, ils avaient tous la langue qui pendait à 3 mètres plus bas, quoi. Donc ça avait l'air d'être assez épuisant. Paradoxalement, Mass Effect 2, il y a eu des articles qui sont sortis là ces dernières années qui disaient que c'est un jeu qui a été fait dans les délais, sans presque pas de crunch. Mais en fait, peut-être que justement il y avait les outils, il y avait tous les trucs. Parce que c'est toujours ça finalement, c'est quand les devs doivent en même temps construire les outils pour faire le jeu en même temps que tu fais le jeu, c'est ça en général, de ce qu'on observe des histoires, c'est souvent ça qui met les trucs dans la panade. Du coup, quand le deuxième, c'est encore une fois, c'est pour ça aussi que les suites c'est rentable, que ça a du sens en fait d'un point de vue à la fois commercial mais aussi industriel, c'est d'avoir tes outils, tes process et tout, et de te dire vas-y, on capitalise sur tout ce qu'on a fait, parce que c'est surtout trop bête. On reviendra en détail là-dessus, mais le 2, c'est surtout, ils ont repris loin, ils ont délesté de pas mal de systèmes, de certaines choses, donc le 2 est un petit peu plus, on va dire, formé, cadré, tu sens, et même dans sa structure il y a un côté très chapitré, donc je pense que ça aide quand même à avoir une bonne vision bien centrée. Alors juste peut-être pour revenir un peu sur les intentions créatives de ce jeu-là, donc on a cité un petit peu les envies de Casey. Alors évidemment, il n'y a pas tout qui va être possible, finalement, les centaines de planètes, on va peut-être mettre ça de côté, du online, il n'y en aura pas au final. Il y avait cette réflexion qui était intéressante, parce qu'on a regardé, je crois, le même truc, Max, l'espèce de petit document, le petit making-of, là, où il expliquait justement que quand on fait un univers de SF, il faut se poser les questions, genre, est-ce qu'on met de la téléportation ou pas? Parce que si on décide que dans notre univers, il y a de la téléportation, en termes de récit, ça a des enjeux différents. Et si les personnages n'ont plus besoin de mettre du temps pour se déplacer, en termes d'enjeux narratifs, ça te change complètement ta structure de ton univers, de ton aventure et tout. Donc, c'est des choses qu'il faut fixer très vite dès le début. Et c'est un truc qu'on va retrouver concrètement, par exemple, avec la notion de pouvoir biotique, qui est la magie, concrètement. Mais pas du... Alors là, la technologie, c'est les champs magnétiques et tout. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mana, c'est des cooldowns, peut-être que c'est ça la diff. Non, mais du coup, les pouvoirs biotiques, c'est quelque chose qui se retrouve concrètement dans le gameplay, ça fait partie du jeu, et ça, c'est des choses qu'il faut décider dès le début, notamment si tu veux faire une trilogie. C'est quelque chose qui, en plus, va se répercuter dans les trois épisodes, puisque dès 2005, en tout cas, le jeu, en plus, est présenté comme une trilogie, le grand public est au courant, quoi. Parmi les autres intentions qu'ils avaient, il y avait cette idée vraiment dès le début de faire en sorte que les choix des personnages soient très importants. Dans un des trailers du jeu, d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait la phrase marketing là qui disait que la destruction de l'humanité n'est qu'à une décision de ça. Donc c'est vraiment le côté c'est les joueurs qui vont décider ce qui se passe. Est-ce que c'était vrai au final ? Non, évidemment que non. Mais en tout cas, c'est présenté comme tel. C'est souvent, on peut en parler, mais c'est vrai dans des lignes de dialogue, mais en jeu, tu ressens pas plus que ça, quoi. Et justement, il y a cette fameuse roue des dialogues qui va vraiment être au cœur du jeu. On pourra la présenter en détail et tout ce que ça a impliqué. Ils ont aussi voulu vraiment mettre l'accent sur le côté cinématique. C'est cette époque-là du jeu vidéo. On est vraiment début des années 2000. Bah voilà, c'est l'objectif. Comment on va faire pour faire upgrader le jeu vidéo, c'est une réflexion qui traverse un peu toute l'industrie, hein. Et l'idée de mettre beaucoup de cinématiques dans leur jeu, de mettre de la mise en scène, des champs contre champs, des dialogues, des animations faciales pour leurs personnages, etc. Bref, tirer parti de la 3D et de la HD. Parce qu'on commence justement à avoir les moyens de... C'est l'époque où on se dit, ça y est, c'est trop réaliste. C'est même un problème pour certains trucs, mais voilà, c'est... On vient de rentrer dans une phase du jeu vidéo où il peut prétendre dire, ouais, nous aussi, on va faire du cinéma. Ah, mais il y a un virage qui est à prendre dans le jeu vidéo, clairement le côté next-gen, hein, parce qu'aujourd'hui ça se ressent un petit peu moins, on est plus sur de l'affinage, de texture ou quoi, mais à l'époque, si tu sors en 2007-2008 un jeu qui ressemble à un jeu de PS2, ça va être compliqué. Ça marcherait pas, tu sortirais pas un Baldur's Gate avec ce côté vu dessus et tout, ça leur a joué des tours pour Dragon Age typiquement. Mais c'est cette époque là et d'ailleurs toutes ces réflexions de l'époque de l'industrie, on les subit encore aujourd'hui entre guillemets, on les vit encore aujourd'hui. Elles sont influencées toujours plus. C'est ça, de toute façon on l'a dit plein de fois, mais moi je considère que là ce qui se passe à ce moment là du jeu vidéo en 2006-2007, là cette nouvelle génération, ça définit ce qu'on vit encore aujourd'hui. On est dans la même période, on n'a pas vraiment bougé. Évidemment, il y a les indés qui vont arriver et qui vont proposer une sorte d'alternative à tout ça, mais mine de rien, dans le champ du AAA, là, on a les briques qui sont toujours là. Oui, clairement. Puisqu'on reviendra là-dessus plus tard, mais 2007, c'est aussi Assassin's Creed, et là, l'open world moderne, il va un peu s'affiner, évidemment, et tout, mais en termes de formule, on est sur la même philosophie. De toute façon, si on fait une mini parenthèse, 2007, grosse année, parce que c'est l'année de BioShock aussi, c'est Call of Duty, enfin, tu vois, c'est vraiment que des énormes jeux comme ça. Ouais, 2007, c'est la popularité de Call of Duty. On le dit souvent, on a 98, mais en fait 2007, quand tu regardes bien, tu diras, en fait, c'est peut-être pas des jeux où on les considère, tu sais, comme des classiques parce qu'il y a des révolutions machin, c'est peut-être pas le cas. Mais en fait, quand tu regardes les titres, les licences que ça est, qui ont été installées à ce moment-là, c'est Gears of War, c'est un an après, mais c'est une période où vraiment il se passe tout un tas de trucs. Justement, en termes de gameplay, ils veulent un truc quand même plus accessible. Ils veulent des combats en temps réel. Ils veulent garder leur côté pose active et donc avec un petit délire de tactique. Et bon. Comme à l'époque, le genre qui est en train de devenir vraiment le plus démocratisé, c'est le TPS, et ils vont faire un TPS. On l'a dit, Gears of War sorti un an avant, et en fait, ça va mettre vraiment... ça va donner aussi le cap en termes de mise en jeu, les fameux 3C, et ça va être ça. Enfin, pendant là, 4 ans, on va en bouffer du TPS à couverture, encore maintenant, Horizon Forbidden West, c'est un TPS avec les mêmes 3C. Hein. Ouais, non, il n'y a plus la couverture et oui, tout. Oui, il n'y a plus le côté trop... ça, cover. Ça, c'est un peu calme. Ils ont transformé les covers en l'infiltration dans les hautes zones. Mais ça c'est un petit peu... Mais on garde encore une fois beaucoup d'influences de cette époque-là. Parce que juste Resident Evil 4, c'était 2004 ou 2005, je crois. Et c'est un peu lui qui va vraiment qui va donner envie de faire du TPS à beaucoup de gens. Et c'était pas un cover shooter, donc il y a aussi cette notion de couverture. Mass Effect, c'est du cover shooter. Là, on est dans du Gears of War-like, quoi. Côté influence, c'est assez évident. Quand on voit Mass Effect, forcément, on se dit, c'est des gens qui ont vu Star Wars et Star Trek dans leur vie. Oui, effectivement. Il y a des trucs comme 2001, Babylon 5, les bouquins d'Asimov avec Fondation, etc. Moi, ce que j'avais noté qui était intéressant, c'est que pour leur recherche d'esthétique, ils avaient cité le film de Final Fantasy, The Spirit Within, le fameux film qui a failli mettre Square Enix à genoux. Celui qui coûtait un 140 millions ou 70 millions d'euros. Donc avec les créatures spirituelles. Les créatures de l'esprit en français. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est des espèces d'ombres qui passent et qui t'arrachent. En fait, parce que comme je voyais le titre en anglais, je me disais, mais c'est quoi ? Je savais même pas si c'était un jeu ou c'est un film. Ah, mince, et du coup, voilà, ok, c'est le film. Okay. C'est ça, c'est les créatures de l'esprit. Oui, je m'en souviens. Je crois qu'il y a un épisode de Crost dessus. Tout à fait. Très probablement. Voilà, on vous renvoie Karim Debbache, la famille. Salut. Il y a évidemment du Lovecraft parmi les citations qui font ça, c'est un peu c'est genre tu te lances dans un jeu vidéo, personne te prend à sérieux jusqu'au moment où tu dis il y a aussi du Lovecraft. Non, mais c'est vraiment en train de devenir une blague parce que le nombre de fois on fait des épisodes de fin du game où justement c'est ok, il y a l'inspiration Lovecraft, très bien, enfin vraiment ça va faire partie bientôt c'est du bingo fin du game avec le mais pas que et paysage vidéoludique, vous pouvez rajouter c'est inspiré par Lovecraft. Et un truc qu'ils voulaient absolument dans Mass Effect, c'est qu'ils voulaient vraiment faire du vaisseau une espèce de petit hub, un endroit vraiment important dans lequel on prenait des décisions, mais dans lequel surtout on allait se taper ce délire d'être un capitaine de vaisseau, tu vois, comme Captain Kirk, Picard, etc. Et c'est un outil à la fois pour voyager mais également pour améliorer nos relations et discuter avec notre crew, et ça c'est vraiment un truc qu'ils ont gardé jusqu'au bout, quoi. Le jeu sort donc, on l'a dit, en 2007. Les critiques sont très positives. Hein. On est sur un 91 sur Metacritic, quand même. Voilà, c'est pas rien. Les gens étaient comme non, ça. Non, mais oui, à l'époque, quand ça sort, de toute façon, moi, je me souviens que j'avais juste vu un des trailers du jeu. J'avais fait, je précommande, ça a l'air incroyable. Et j'avais été très déçu à l'arrivée. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, je me souviens que les tests. Et d'ailleurs, Max, je me souviens que toi, t'en as lu. Là, t'as fait une petite revue de test. Qu'est-ce qui sortait La presse en ligne, c'était Gamekult, JV.com et Gameblog. Oui, de toute façon, la presse papier en 2007, lol. Et qu'est-ce qui en était ressorti du coup alors c'était alors, ce qui est ressorti globalement. Oui, non, mais ils aiment tous. Enfin, tout le monde y est. La durée de vie. Qu'est-ce qu'on en dit à l'époque, évidemment, la durée de vie. C'est trop court, hein, c'est vrai que c'est trop court. Non, mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'ils vont quand même relever. Tu sens qu'ils relèvent pas mal de défauts, en fait, quand même. Bon, le truc, c'est qu'on n'a pas encore parlé de ces aspects du jeu, mais le côté les planètes explorer, le côté tactique du combat et tout. Mais en fait, il y a quelque chose quand même qui match avec l'univers, les persos. Ils disent, bon, quand même, ça marche, ça tient bien, tout ça, c'est quand même un truc. Et il y a des énormes attentes vers la trilogie. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on en tire. Ouais. Et du coup, sur les ventes, on est quand même à 3 millions sur quelques années, ce qui est pas mal, mais un petit peu en dessous des attentes, en tout cas de Casey Hudson, lui qui était un petit peu déçu. Ce que j'avais lu dans le. C'est l'occasion de citer, mais le bouquin, du coup, auteur d'édition, écrit par Nicolas Domingue, hein, parce que c'est aussi, on s'est en partie inspiré de ça, de quelques articles pour faire la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais qui parle, oui, de 3 millions de ventes, j'imagine, sur quelques années, comme tu l'as dit. Et il dit que Casey Hudson, effectivement, est déçu. C'est quand même, bon, 3 millions, c'est quand même un succès, mais ils ont mis 4 ans, c'est Next Gen et tout. Ils pensaient faire plus, tu vois. Et effectivement, quand tu regardes des jeux de l'époque, hein, j'ai regardé un peu, mais Gears of War en 2 ans, c'est 6 millions de ventes, et c'est très comparable à Mass Effect puisque c'est une exclue Xbox et qui sortira sur PC et une nouvelle IP. Et évidemment, la même année, il y a Assassin's Creed. Lui, en 2 ans, c'est 9 millions, et ça continuera peut-être des années après. Et assez rapidement, il y aura, vous savez ce que ça devient Assassin's Creed, hein, très rapidement Assassin's Creed 2, la trilogie Ezio. Ça aussi, c'est assez vénère. 28 épisodes plus tard. Et d'ailleurs, Assassin's Creed, il est noté dans, je me souviens, je crois que c'est le test de Gameblog, où c'est le seul, t'as l'impression qu'il y a joué, et il compare un peu. Et forcément, Assassin's Creed à l'époque, c'est quand même une énorme claque. Moi, je me souviens y avoir joué, je pense, peut-être 1 ou 2 ans après la sortie. Bon, il y a un effet waouh que t'as pas forcément technologiquement dans Mass Effect, même si on y reviendra, c'est quand même un jeu next-gen, hein, clairement, qui va avoir des gros budgets. Et sinon, y a Bioshock aussi qui sort la même année, comme on l'a dit, qui lui. Alors, je sais pas combien de ventes il a fait, honnêtement. Je sais pas si on est dans le même. On en avait parlé. On avait l'épisode. Voilà. Je sais plus. Mais en Max, de... Hugo et Exerve du passé vous le diront. Mais en termes de statut, BioShock a beaucoup plus marqué, je pense, à l'époque. En tout cas, dès l'année de sa sortie, le jeu vidéo, c'est de l'art depuis que BioShock est sorti, quoi. J'aime bien faire cette vanne. Et du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir rentrer dans l'histoire de ce Mass Effect. Et comme Maxime est devenu notre codex portatif de l'univers de Mass Effect, pouvoir nous raconter tout ça, où on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, pourquoi Mass Effect, pourquoi Mass Effect. Alors, c'est l'année 2183, attention, c'est précis. Donc, ça fait un petit moment que l'humanité et d'autres races extraterrestres bénéficient d'une technologie, le Mass Effect, hein, c'est ce moment où on découvre une technologie qui viendrait des protéins, une race éteinte, et une technologie qui permet notamment de faire des voyages interstellaires ou de développer les pouvoirs biotiques. Ouais, c'est la maîtrise de champ magnétique, hein, c'est tout ça. Hein, quantique. Je crois que c'est ça, c'est ça, on permet de. Et pour la petite précision, parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé ça intéressant, en fait l'humanité a pu explorer au-delà de Pluton, tu vois, vraiment à la limite du système solaire, en fait ils ont trouvé un relais cosmodésique qui traînait par là, et évidemment il est arrivé. Mais faut que les gens le sachent. Et du coup, et moi à l'époque, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois, genre allez-y, ça se trouve il y a un truc juste derrière Pluton, quoi. C'est pas si loin, c'est juste caché derrière. Bon, depuis l'époque on sait plus si c'est une planète ou pas. Alors officiellement c'est plus une planète, mais je sais plus, c'est pas en discussion. Non, je crois le débat est pas encore ouvert. Peut-être qu'il est ouvert pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est vrai que nous, à notre époque, à l'école, il y avait Pluton, c'était une planète. Pluton. Mais je peux t'assurer que les générations d'aujourd'hui, c'est pas une planète. Voilà. Et pour préciser, juste le relais cosmodésique, c'est ce qui permet de faire en fait le voyage interstellaire. C'est des espèces de petits boosters de vaisseau. Tu vas au relais, pouf, ça t'envoie. Ouais, c'est les portails d'autoroute, comme ça, tu rentres et on te solde et pouf, on t'envoie ailleurs. C'est et un turbo dans Mario Kart. Ouais, c'est vachement pratique. Et il y en a un derrière Pluton. Donc voilà. Et du coup, tout ça se passe dans la Voie lactée. C'est quand même dans la même une galaxie, et donc plusieurs races extraterrestres, bah, finalement, avec cette technologie, bah, rentrent en contact. Hein. Globalement, bon, il y a eu des guerres et tout, mais au moment du jeu, ça se passe plutôt bien. Il y a un conseil composé de différentes races qui tient un petit peu tout ça en ordre. De ce conseil sont exclues quelques races, hein, en tout cas, n'y participent pas certaines races, dont les humains. On y incarne tout de même un humain, le commandant ou la commandante Shepard de l'Alliance humaine. Le jeu commence, hein, on est déjà cette personne, on a déjà un petit passé qu'on va choisir. Oui, on est gradé quand même, hein, c'est pas n'importe qui. On est déjà commandant, ouais, voilà, on nous obéit. On a une petite mission de routine, on va se rendre sur une colonie, je sais plus exactement ce qu'on va faire, mais très rapidement on se rend compte qu'en fait c'était une mission beaucoup plus importante que prévu. Il faut trouver une balise protéenne, donc je rappelle les protéens, c'est cette race éteinte. Qui ont inventé les technologies. Un twist à venir. Et donc il y a une balise protéine à trouver sur cette colonie, c'est en pleine attaque des Geth, qui sont une sorte d'espèce, c'est des robots. Ouais, c'est une race un peu cybernétique. C'est ça, en fait, dans l'univers de Mass Effect, c'est des robots qui ont été construits et qui ont développé une sorte de conscience, de trucs, et qui se sont libérés un petit peu de leur maître, et c'est pour ça que dans l'or... C'était pas les Asari d'ailleurs qui avaient construit ça? Non, c'est les Kariens. C'est les Kariens. Bah bravo, hein. Et oui. Ça n'a pas révisé son lore, j'ai l'impression. Ouais, non, pas du tout. Et du coup, mais juste, puisqu'on parle dans l'or de Mass Effect, du coup, les recherches sur l'intelligence artificielle sont ultra encadrées, en fait, depuis qu'il y a eu cet événement. Parce que ça crée des problèmes. Oui. Voilà. Eh oui, bon, ça, on alors, nous, on est encore en train de faire des mèmes sur Twitter. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous, on est en train de leur faire dessiner des conneries, tu vois. Et donc, il y a une attaque de ces robots. On ne sait pas trop ce qu'ils foutent là, pourquoi ils attaquent. Mais ils seraient en plus de mèche avec Saren, qui est un agent du Conseil, plus précisément un spectre. Oh, je reviendrai sur ce statut un petit peu plus très tard. Très spécial. Mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, s'il y aurait des complots ou quoi. Nous, on voit la balise, on la touche. Enfin, on s'approche d'elle en tant que... Comment, je ne sais pas, on a plein de flashs d'images qui Vision, nous arrivent. Moïse, la prophétie. Rien, c'est ça. On comprend rien ce qui se passe sur le coup. Le buisson ardent. Il y a une petite cinématique sur Saren qui est tout content, tout vénère, tout rouge, non, parce tout qu'il pas content, a pas pu hein. toucher... Oui, pardon, tout pas content, tout fâché, tout rouge, de pas avoir pu toucher la balise. Mais on sait pas trop encore ce qui se passe, des mystères. Mais ce qu'on sait, c'est que le fameux Saren, faut le dénoncer quand même, puisque a priori, il a tué des gens, il était sur la planète, il est de mèche avec les Geth. Il fait pas son rôle de spectre. Il a tué son collègue, l'Anilus, il a tué, voilà, il y avait un... Qu'est-ce que c'est finalement, Max, un spectre? Alors, attends, juste avant ça, du coup, on va à la citadelle, la fameuse citadelle qui est... C'est aussi un héritage des protéins, qui est cette espèce de grande station spatiale où il y a le fameux conseil. C'est là qu'il y a un peu toute la diplomatie. Hein, tout, c'est, non, j'ai cherché un équivalent, mais il n'y a pas vraiment. C'est à la fois Bruxelles. C'est le siège de l'ONU, quoi. Strasbourg, quoi, juste à côté. C'est, hein, c'est Parlement, c'est à la fois européen, oui, ONU et compagnie. Oui, c'est tout le monde. S'il y a des extraterrestres dans l'Union européenne, dites-le nous, et puis on vous citera, exactement. Évidemment. Et du coup, nous, on va voir le conseil. Dis donc, Saren, là, le spectre, il faudrait peut-être faire quelque chose. On arrive à les convaincre et du coup pas au début hein, au début ils prennent justement pour un blanc, voilà, mais assez rapidement, voilà, ça se passe bien. Mais du coup c'est à nous qu'on octroie le rôle de spectre. Alors il y a plusieurs spectres à un instant T, mais c'est finalement le shérif de l'espace, en gros. Ça veut dire Special Tactics and Reconnaissance, voilà, spectre. Et voilà, on va enquêter du coup un petit peu sur tout ça. Donc shérif dans le sens où on a des comptes à rendre à personne. Et c'est pas rien parce qu'on est quand même la première humaine à devenir spectre. C'est et ça. Ça, c'est quand même. Oui. D'ailleurs, dès le début, c'est marqué. Enfin, le jeu nous dit qu'on est pressenti pour devenir spectre. On sait qu'il y a le capitaine, l'amiral Anderson. Ouais. À une époque, il aurait pu le devenir. Avoir, et puis finalement, il l'a pas fait. L'a pas donc voilà, il y avait quand même cette espèce de truc symbolique que les humains se retrouvent. Il a raté son créneau. Non, mais il a loupé son train, du coup. Le garage en épi. Il était sur une balise, hop, ça l'a envoyé pas au bon endroit parce qu'il a pas lu le bon truc et hop, merde, il est pas spectre. Mais non, il y a des romans littéralement qui explorent cet aspect. Anderson, pourquoi Anderson n'est pas spectre? Et effectivement, les spectres, ils ont vraiment un rôle spécial dans la galaxie parce que c'est ça, c'est des agents libres, hein, ils doivent de compte à personne à part le... Ils exécutent, c'est le bras armé, du conseil. Le glaive, cherchais l'expression. Le bouclier de l'humanité, ils protègent, ils seront les premiers. Oui, il y a une scène très, très militariste, très patriote presque, vraiment, c'est spectre, le glaive du conseil, enfin bref, c'est un honneur, hein, vraiment. Ouais, c'est alors que, Saren, c'est un connard, mais bon. Voilà, il n'y a aucune réflexion sur le statut de spectre en disant, l'ancien spectre, il a peut-être foutu un peu la merde. Peut-être qu'ils ont trop de pouvoir. Bon. Wow. Bref, Bref. Voilà. Ouais, doucement. On dénoncera tout ça peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, donc nous, on va enquêter. Bah voilà, avec notre, on met notre petite étoile de shérif. On a tous les passe-droits. On va enquêter un petit peu sur tout ce merdier hein, qui est mis dans l'univers concrètement. On va embaucher des membres de l'équipage. Alors à Citadel, il y a un pack 3 pour le prix d'un. C'est bon, on en embarque. On en avait déjà deux. Bref, on se retrouve avec 5 membres. Alors, je tiens à faire une parenthèse. Max, c'est celui qui a aimé le jeu parmi nous. Hein. C'est 6. Voilà. Okay. Moi j'en suis très loin du 6. On se tient pour l'instant. Ouais, ouais, ouais, pour l'instant ça. On monte à bord du Normandie avec tout ce beau monde. On a quelques pistes hein, à explorer. Il faut comprendre les flashs d'images qu'on a eues. Sarène, il serait peut-être dans cette zone. Voilà, je crois qu'on a 3 missions qu'on peut faire dans en l'ordre. En parallèle, qu'on ouais, c'est ça. Ouais, on peut faire comme on veut. Ouais, qui vont bah, soit nous emmener plutôt sur la piste de Sarène, soit plutôt sur la piste des protéines, des machins. Ouais. Ce qui va faire qu'en fait, qu'on va arriver à connecter un peu et à comprendre le plan de bah, de les choses à faire. Qu'est-ce qui est derrière. Par exemple, si on va, donc il y a une mission, on va libérer Liara, qui est donc une Asari. On reviendra peut-être sur cette race plus tard. Elle nous apprend à décrypter un petit peu les gros flashs d'images qu'on avait eus. On a aussi une mission avec une grosse plante, en gros, qui va nous permettre de parler la langue des protéines pour encore mieux comprendre les images qu'on voit. On y apprend notamment que le vaisseau de Saren, qui s'appelle Sovereign, bah en fait, il aurait des pouvoirs et il contrôlerait mentalement Saren, qui serait pas, voilà, il serait sous maître son influence, de ça. En fait, ouais. C'est ça. Et il y a une mission. Une fois qu'on a appris un petit peu tout ça, et ben on va attaquer la base de Saren. Il y aura quelques dilemmes. Est-ce qu'on va tuer ou pas un des membres de notre équipage? Je reviens pas sur tout le lore. Parce bah, que, c'est Vrex. C'est vrai que oui, mais il y a tout ce qui est génophage et compagnie, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais voilà, il y a des petits conflits qui commencent à arriver. On va choisir de sacrifier... Ashley ou Ashley. Souvent Ashley, voilà. En tout cas, voilà, je l'ai fait en stream, le chat était unanime. Mais... oui, non, mais oui, non, mais Kaiden, quoi. Mais voilà, il y a Ashley ou Kaiden qui sont les deux premiers membres de notre équipage, il faudra en sacrifier un. Mais bref, on va papoter avec le fameux Sovereign. Hein. Je vous ai dit, c'est un vaisseau, mais en fait, il se trouve que c'est aussi une entité très vieille, très puissante, qui appartient à la race des moissonneurs, et c'est là qu'ils vont commencer à avoir quelques révélations. C'est eux qui sont responsables de l'extinction des protéens, qu'on pensait être un peu bah, une race un petit peu tout puissante et tout, et en fait non, ils ont été éteints, et en plus de ça, c'est les moissonneurs qui sont responsables en fait de la technologie, du Mass Effect, de la Citadelle et tout, c'était pas les protéins. Ça on le découvre un poil plus tard là, quand on va sur la planète avec Vigil et tout, il nous le dit, c'est pas au moment où on discute. D'accord, avec c'est un petit peu plus tard. Voilà, que... oui, voilà. C'est juste pour la timeline. D'accord. Et justement en fait on va aller sur une dernière planète où on va trouver des archives de protéins qui sont éteintes, mais on va quand même réussir à discuter avec une entité protéine. Je crois que c'est une IA, ouais, une espèce de mélange d'IA, enfin leur truc à eux qui s'appelle Vigil, qui a tué tous ses petits copains qui étaient en qui étaient en suspension d'activité depuis longtemps parce qu'il avait besoin d'énergie pour continuer d'exister, et il nous révèle le poteau rose qui est que la Citadelle a été en fait construite par les moissonneurs et qu'ils ont tout fait en sorte, tu vois, ils ont mis tout des piscines, des terrains de basket, il y a des spas, des choses... etc. Et donc quand des races intelligentes arrivent dessus, il y a les espèces de petites bestioles là qui leur montrent globalement comment l'utiliser, et 50 000 ans plus tard ils les tuent à chaque fois. Voilà, c'est le cycle de la vie, l'histoire éternelle, Simba. Et on apprend que finalement les protéins, ils ont réussi à faire en sorte que ça ne s'active pas à distance. Il y a quand même un moyen de contrôler. D'embrouiller le Wi-Fi. C'est ça, ils ont coupé le Wi-Fi. Du coup, Saren va y aller pour rebrancher la box. Il va remettre Internet dans la Citadelle. Saren qui, du coup, donc on l'a dit, il est manipulé, mais il le fait un petit peu sciemment aussi parce qu'il espère être épargné avec d'autres races. Enfin, pour lui, voilà, il aide quand même un petit peu. Parce que pour lui, c'est foutu. Hein. Les moissonneurs, ils vont gagner. Voilà, c'est peine perdue, donc il les aide. Cela dit, les statistiques ont raison. Hein, je veux dire, donne raison à Saren. A priori, ça fait je sais pas combien de cycles qui tue des espèces intelligentes. Lui, il se dit, bah, il risque de gagner quand même. On comprend un petit peu la motivation, mais nous, on est le commandant Shepard, on est un héros. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la Citadelle, on débarque en Mako, on s'écrase dedans, et on dit, on va protéger la box, on va faire en sorte que Saren n'appuie pas sur le bouton, et on va avoir un dernier dilemme. Est-ce qu'on sauve le Conseil ou est-ce qu'on concentre toutes les forces humaines extraterrestres sur... Parce que le Conseil, on se rend compte que c'est quand même globalement des glandus. Oui, un peu. Hein. Bah, en fait, il y a vraiment cette comme notion de conseils. Que glandu, tu vois, ça caractérise pas mal de gens dans l'univers de Mass Effect. Donc, bon. Le conseil, c'est un peu les gens qui viennent te demander des comptes, qui te croient pas, qui, au début, et tu leur reprends le Normandie, en fait, parce qu'ils te mettent à la fourrière. Il y a ce passage-là aussi. Donc, le conseil, quand même, globalement, ils ont tort, tu vois. C'est toi qui vas leur prouver qu'en fait, il y a les moissonneurs, machin et tout. Donc, bon, tu peux les sacrifier ou pas. Ça, c'est à toi de choisir. Et finalement, Sovereign, qui était en train de se déposer, de butiner la citadelle comme ça. Il y a une petite scène où il écarte des petites papates et il se pose sur le pistil. C'était là la référence à Lovecraft d'ailleurs. Voilà, oui, je pense que c'est ça. Bah, le côté entité-nation très vieille et tout, la menace, c'est un petit peu ça, je pense, le côté Lovecraft. Et finalement, bah, on lui pète sa gueule, hein, Sovereign, concrètement, avec les vaisseaux. Parce tout le monde lui tire le dessus. Commandant Shepard. C'est ça. Et voilà. Tout le monde lui tire dessus, on le tue, on tue sa reine une ou deux fois en fonction des choix qu'on fait, parce qu'il se revive par Sovereign. Voilà, c'est des détails. Oui, c'est vrai qu'il se transforme en bestiole horrible là. Ah, ça, c'est bien un truc de jeu vidéo. Oui, ça, oui. Ah bah, le dernier ennemi qui revient phase 2 en mode dégueulasse, il fallait le faire. Bah, c'est un jeu, il faut des boss, hein, voilà, c'est un jeu vidéo, donc on gagne ce combat. Et bah voilà, on a sauvé le monde, voilà. Mais bravo. Non, parce que justement, c'est que le premier épisode d'une trilogie, oui. Donc on sait que les moissonneurs et les guettes, la menace n'est pas complètement éteinte. Voilà, exactement. Eux, ils attendent, en fait, ils sont dans une espèce de poche d'espace, de vide, etc. Ils attendent peinard que quelqu'un rallume le wifi. C'est ça. Et bah, justement, Sovereign n'a pas réussi, mais peut-être que ça pourrait revenir. Voilà. En tout cas, c'est une menace, voilà, c'est une menace qui existe. Suite au prochain cliffhanger. Alors, Mass Effect... cette histoire incroyable, c'est avant tout un space opéra. Oui. Et un space opéra, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a beaucoup vérifié parce que c'est un truc... Non, mais il y a eu des débats. Non, mais moi, je pensais pas, tu vois. On n'est pas expert, je veux dire, je suis pas un expert littéraire ou quoi que ce soit. J'en ai lu des tonnes de bouquins de SF, j'ai grandi, j'ai vraiment baigné là-dedans depuis que je suis môme. C'est un guette. Et pas loin. Et du coup, de ce que j'ai vu, bêtement, c'est simplement des histoires de SF qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux. C'est juste en gros une histoire de... Bah, c'est l'échelle des lieux et de l'espace qui est visité par la narration qui est augmentée. Et comme ça se passe à une échelle galactique ou planétaire, etc., bah, c'est plus, ça permet de renforcer les enjeux, on va dire, politiques, diplomatiques, etc. Et voilà, quoi. En général, on va faire en sorte qu'il y ait plusieurs races, des aliens, parce que justement, encore une fois, les enjeux, la taille, voilà, il n'y a pas que les humains forcément dans l'univers, vous êtes au courant si vous regardez les bonnes vidéos, et donc voilà, c'est vraiment ces enjeux-là. Alors, les lézards qui nous contrôlent, a priori, c'est des conneries. Mais tu vois, moi, je croyais que c'était plus codifié que ça, parce que dans ma tête, Space Opera, c'était Star Trek, c'était des trucs comme Babylon 5 ou Battlestar Galactica, des choses que j'ai pas... Globalement. Oui, c'en est. Mais je pensais que c'était ce format-là, genre plutôt des séries, parce que bah, ça vient un peu du soap opera, le côté drama entre des gens et tout. Ah non, je pensais que c'était surtout des bouquins au départ. Ouais, voilà. Mais je pensais que c'était plus codifié, tu vois. Et en fait, non, oui, en regardant, c'est vachement plus large. Ah oui, c'est très très large. Oui, bah, dès les années 40-50. De Dune à Star Wars, et quand on lit Dune et tu penses Star Wars, c'est pas tout à fait quand même le même délire en termes de. Et puis il n'y a pas que ça, tu vois. Je me suis amusé à mettre quelques petites citations pour ma petite culture littéraire, vu que là, pour le coup, ça me touche. Tu vois, il y a le cycle d'Ender, où il y a le premier qui avait été adapté en film, c'était pas incroyable. Mais les bouquins sont très bien. Il y a le cycle d'Hyperion qui est très connu aussi. Il y a les Fulgures aussi qui ont gagné un petit peu. Alors là, c'est un vieux truc des années 70, mais j'avais adoré quand j'étais môme. Et évidemment, vous connaissez Star Wars et Star Trek, qui sont des choses plus récentes, plus proches de nous. C'est ça, c'est vraiment des récits dans l'espace qui se passent à grande échelle. On visite des planètes, on voyage. Là, Star Trek, c'est peut-être quand même peut-être la ref la plus évidente en fait quand tu joues à Mass Effect. Le côté crew, le côté alien, le côté l'humain qui rencontre d'autres espèces, etc. C'est vrai que c'est ça. Alors, ils ont un point de vue très différent de ce qu'est Star Trek. Ça, on le redira peut-être plus tard, mais ils ont cette idée-là derrière, de toute façon. Hein. On a l'humain qui va se retrouver avec d'autres espèces intelligentes, etc. Et cette volonté de justifier quand même le lore. Alors que Mass Effect, ça a beaucoup passé par le codex et compagnie. En jeu, tout n'est pas justifié, mais voilà, il y a le côté science qui est expliqué, alors que Star Wars, bon, c'est de la magie. Star Wars, de toute façon, ça se passe il y a très longtemps, donc ça va. Non, mais après, c'est vrai que le côté justification, tout ça, bon, RDSF, pas RDSF, ça, c'est vraiment des considérations de sous-genre et tout. Le space opéra, c'est globalement des histoires qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux et on voyage de planète en planète. Ouais, c'est ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, bah, c'est vraiment ce que le jeu, moi je trouve, c'est là où il est le plus réussi, en fait, c'est justement de transposer cette idée du space opéra en aventure vidéoludique. Alors, ça passe déjà par justement les voyages, parce qu'on voyage vraiment de planète en planète. Hein. Alors, il n'y en a pas des centaines et des centaines, il y a quoi? Il y a 6-7 planètes. Les principales, ouais, il y en a 5-6. Qu'on va vraiment visiter. Mais après, les petites saloperies là, qu'on peut visiter en Mako. 20, je crois, un truc comme ça. Il y en a 2-3 dizaines. Il y a des petites planètes sur lesquelles tu peux juste te poser, tu driftes un peu en Mako, tu tires sur deux balises. T'as des points d'intérêt. Non, t'as quand même des. Ça, c'est les quêtes annexes, globalement, c'est de se rendre sur la planète comme ça. Tu vas arriver dans les endroits avec des arènes qui se ressemblent globalement toutes, où tu peux forer des petites pierres, du minerai précieux. Voilà, ce genre d'activité géniale. J'en ai fait 2-3 et puis c'est bon. En même temps, l'espace, de toute façon, c'est plein de planètes mortes. certains, donc à un moment donné. Oui, et oui. Du coup, ça me rappelle la blague que Maxime avait fait sur Twitter avec ses différentes planètes. Donc, t'as la planète de l'eau, la planète luxuriante ou sévère, la planète un peu mine, tu vois, où c'est un peu rouge comme ça, c'est un peu comme Mars, la planète gelée. Donc voilà, on nous emmène vraiment dans tous les différents trucs. Et encore une fois, pour un jeu vidéo, c'est pratique, hein, ça permet de renouveler. Là, t'as vraiment dans les planètes, c'est de la montagne. Tout le temps, en fait, là, vraiment, le modèle de base, c'est des montagnes. Et après, effectivement, tu vas avoir de l'herbe ou de l'eau, des trucs. Tu peux avoir une petite surprise. Moi, sur une planète, j'avais vu de la faune, j'avais vu des sortes des quadrupèdes, tu vois, qui se baladaient. Et franchement, je fais, ok, je pensais pas qu'il y aurait ça parce que, à force d'avoir fait les planètes, moi, j'avais vu que des cailloux, globalement. Mais et des guettes qui se baladent. Et des guettes. On parlait un petit peu des races extraterrestres et là aussi, bah voilà, Mass Effect, il y a eu un vrai travail sur la création justement de différentes races aliens et notamment, bah du coup, c'est vrai qu'encore une fois, dans ce documentaire, on a pu voir comment ils ont conçu ces différentes races. Moi, c'est vrai que j'ai été marqué par les Asari, vraiment la conception des Asari qui m'a beaucoup touché, où le mec explique qu'en fait, bah c'est l'objectif avec cette race, c'était de faire des blue-skinned space babes. Donc les babes, hein, qu'est-ce que c'est? C'est des meufs bonnes, hein, globalement, c'est ça. Et donc l'objectif là, c'était quand même de leur mettre une peau bleue parce que quand même ils ont vu le cinquième élément, alors ils se sont dit on y va, quoi. Voilà, c'est pas rien. Donc voilà, c'est comme ça vraiment que ça a été créé. Donc quand même un world building qui est assez puissant. Je pense aussi aux Krogan, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Enfin voilà, ils sont cons mais ils sont forts. Ça, c'est pas mal, tu vois. Donc voilà, vraiment une créativité sans faille, moi, j'ai envie de dire. Il y a les aliens, tu vois. Il y a comment ils s'appellent? C'est les galariens, tu vois. Voilà. Bon, eux, c'est des aliens, ils ressemblent à des aliens. Donc ça va, ça compte. Et c'est bon, voilà. Non, mais combien de personnes ont arrêté le podcast? Je sais pas. Si vous nous écoutez encore, en tout cas, ce qu'on tient à dire, c'est que effectivement, la réflexion autour des différentes espèces extraterrestres n'est pas si mature que ça ou si maligne que ça. Globalement, les Asari, c'est vrai qu'elles servent dans le 1. Hein, c'est pas forcément le cas dans le 2. Lyra, elle est quand même traitée un petit peu différemment, heureusement. Mais dans le 1, bon, enfin, je veux dire, c'est une espèce de meuf, une race de meufs qui vivent des centaines et des centaines d'années et à la fin, elles deviennent stripteaseuses. C'est globalement ça leur vie. Pas forcément à la fin, mais oui, en fait, il y a ce côté, elles aiment bien parce que c'est fun. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué, faut pas être binaire dans Mass Effect. Il y a vraiment les deux spectres, en fait, où tu vas avoir, oui, certaines Asari avec un lore développé qui font des trucs, sont intelligents, il y a leur système de production machin, il y a des choses développées là et il y en a juste elle twerk dans un bar, tu vois. Enfin, c'est vraiment ces deux spectres. Et comme tu l'as dit, la volonté de design de base, c'est de faire des meufs bonnes bleues. Moi, c'est ça qui m'agace dans ce genre de SF, c'est que finalement les différentes races, c'est des humains, sauf qu'on les déguise un petit peu et on prend un peu des clichés d'humains et on les transforme, on en fait une race. Mais c'est un truc qui se fait aussi dans la fantasy, tu vois. Je pense à par exemple Skyrim, ceux qui ont la tête de chat là, en fait, c'est des gitans. Avec des gros clichés de gitans déguisés, on leur met une race de chat parce qu'en fait c'est pour ça qu'ils vivent comme des gitans, tu vois. Et pour moi c'est pareil, c'est cette conception là d'aliens et de trucs, j'aime pas du tout. Je trouve ça très cliché en fait, d'écriture. C'est assez bas de plafond et c'est dommage parce que ça gâche en fait d'autres efforts qui peuvent être faits, ou en termes de world building dans Mass Effect, il y a des bonnes idées, il y a des pistes qui sont intéressantes et tout, et forcément ils vont gâcher ça avec une vision qui finalement aussi assez représentative de l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu vidéo. Ouais, il y a ça aussi. On a un public qui est assez adolescent, qui aime bien ce genre de truc, bah voilà, on veut un jeu mature. Et qu'est-ce qui est mature dans le jeu vidéo? Bah c'est de faire des câlins et de mettre son zigounette quelque part, tu vois. C'est vrai que c'est assez mature. Mais il le dit, tu vois, designer cette race-là, c'est un nerd's dream. En fait, pour eux, c'est normal. Il y a vraiment l'odeur de vestiaire dans le making-of, vraiment, où le mec qui dit, oui, c'est un rêve, on va faire des meufs bonnes. Après, je précise juste sur le côté alien, il y a des espèces qui sont pas humanoïdes, mais c'est des espèces très en retrait, c'est plus des petites quêtes annexes. C'est les trucs qui sont anecdotiques, en fait, et à l'aune de ce que raconte Mass Effect. Et c'est pour ça, je reviens aussi sur un autre truc que j'ai lu beaucoup sur Mass Effect, qui était l'humain n'est pas au centre. Et en fait, tu te dis, alors, déjà, oui, effectivement, dans l'univers, il y a d'autres races, mais au centre de ce que raconte Mass Effect, c'est quand même l'humain. Il y a toujours ce truc, t'es le premier spectre, etc. Et c'est toi, l'humain, qui va décider de la destinée du monde. Et encore une fois, comme tous les extraterrestres, bah, c'est un peu des humains déguisés. En fait, c'est pas un jeu qui t'amène des problèmes aliens, tu vois. J'ai pas l'impression que quand je croise les autres personnages, je me dis, tiens, ils ont des problèmes philosophiques ou je sais pas quoi, que moi, en tant qu'humain, je pourrais pas comprendre. Non, c'est les mêmes que moi. Sauf qu'ils sont un peu dessinés métaphoriques. Tu vois, après, c'est une question de degré. Moi, je sais qu'on en parlait tout à l'heure. Tu vois, j'aime bien le personnage de Tali, qui a en fait, où là, pour le coup, leur espèce à eux, là, les Cariens. Oui. J'ai toujours un doute. C'est une espèce des machins nomades et ils envoient des gens quand ils sont adultes faire une sorte de pèlerinage. Ils vont chercher des trucs et tout. Il y a des petites idées. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des petites idées intéressantes. Moi, j'adore, par exemple, la race des El Falcor, qui sont les génies d'Internet, hein, puisque du coup, avant chaque fois, chaque prise de parole, ils donnent le ton qu'ils veulent avoir. Tu vois, ça éviterait toutes ces emmerdes sur Internet. On n'aurait plus les soucis de c'était du premier degré, c'était de, la, c'était de l'ironie. Si non, les Elcor, ils nous le disent. Ils disent cynisme, j'aime beaucoup Mass Effect. Tu vois, voilà. ils font ce genre de choses. Et sinon, t'as des. Je suis d'accord sur le côté, c'est très, très humain comme problématique. Par exemple, parce que dans les Krogan, dans le lore, il y a un truc qui n'est pas inintéressant, qui est, bon, on peut en parler maintenant, mais le truc la notion du génophage, parce que c'est une race qui est très violente et qui se reproduit extrêmement vite. Et ils ont servi à une époque pour remporter une guerre contre une autre race. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et en fait, il y a une espèce de castration, une espèce de maladie en fait, qu'on leur a donnée et qui fait que tu en as peut-être 1 sur 1000 qui survit à la naissance. Ils ont été stérilisés. C'est ça. Ouais. Il y en a 1 sur 1000 à peu près qui survit de mémoire, c'est un peu le rapport. Et bah, c'est quelque chose, bon, ils en souffrent, tu vois. Il y en a qui veulent. C'est d'ailleurs pour ça que Saren, pour revenir dans le lore, il n'est pas que aidé par des guettes qui ont un rapport religieux d'ailleurs à Sovereign et tout. Il est aussi aidé par des Krogan parce qu'il fait des recherches lui de son côté pour justement guérir du génophage. Et c'est pour ça qu'il aide. Et ça, c'est pas inintéressant en termes de lore. C'est pour ça que tu as le dilemme juste avec Vrex. Mais effectivement, en termes d'émotion, c'est une problématique que tu pourrais trouver chez des humains. Tu vois. En fait, c'est ça. De toute façon, c'est toujours ce truc dans ces univers. C'est que si tu commences à creuser au lore, ouais, il y a des gens derrière, ils ont justifié le truc, etc. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Tu vois, j'arrive pas à aller jusqu'au lore parce que je me prends ces trucs dans la gueule de Blue Space Babes, etc. Parce que effectivement, bah, je comprends bien pourquoi elle est là, Liara. Et forcément, ça me donne pas envie forcément d'aller plus loin. Mais bref. Passons peut-être. Si vous avez envie de lire un bouquin qui parle vraiment d'ethnologie et qui s'interroge beaucoup sur la rencontre avec d'autres espèces, le livre 2 du cycle d'Ender, il est incroyable. Voilà. Ok, parce que j'ai lu le premier, c'est vrai que ça m'a. J'ai bien aimé, Le deuxième, ça, c'est la suite et il change complètement de ton et de réflexion. Il y a des trucs très cool à lire. Voilà. Parce que le 1, à mes yeux, c'est un shonen. C'est un shonen Neketsu. Il y a beaucoup de ça. Il y a un côté Neketsu à assumer. Donc voilà, le world building repose à la fois sur des choses intéressantes et sur des tropes connues un petit peu immatures du jeu vidéo et qui sont vraiment symptomatiques de cette époque. Donc ça a un côté un petit peu, on va dire, tu vois, c'est un peu le cul entre deux chaises, entre un truc qui se veut vraiment mature et réfléchi, et un truc qui se veut aussi un petit peu juste sympa, parce que on veut des meufs bonnes dans l'espace. Il y a un truc, ça c'est Max qui l'avait noté, donc je te laisserai en parler, mais t'avais noté que Shepard pose des questions de niveau CE1. Oui, mais ça va, en fait, il y a un parti pris, ça part d'un constat où vraiment, Shepard, t'es un commandant de l'armée humaine, je sais pas quel âge t'as, mais t'as entre 25 et 35, j'imagine, quelque chose comme ça, et tu poses des questions, enfin limite, genre, c'est quoi un Krogan, c'est quoi un machin, enfin, tu sais, c'est vraiment des limites. Limite, tu vas demander c'est quoi l'alliance, tu vois, alors que t'en fais partie. Et donc, oui, dans l'univers du jeu, ça n'a aucun sens que ton personnage ne le sache pas, mais je comprends quand même ce parti pris où c'est la manière de dispenser le lore aux joueurs et ça évite de faire un énième héros amnésique, par exemple. Hein, ça, c'est le truc très classique de plein de JRPG où même, même année, Witcher 1 sort, c'est un héros amnésique. Geralt, il est amnésique dans le 1. Donc, C'est le trope de tous les Elder Scrolls aussi. Hein, de plein de jeux. Mais après, je dis pas qu'on n'aurait pas pu faire un peu plus élégant de donner du lore. Mais c'est le constat au début qui m'avait un petit peu dérangé. Mais ça va vite. Au moins, tu apprends vite quelles sont les races, quels sont les trucs et tout. Donc pour moi, c'était un petit peu leur solution à ce problème-là vis-à-vis du joueur, des informations à faire passer. Donc là, on essaye de vous parler un petit peu de comment ils traitent plutôt le space opéra. Et il y a un aspect qui est vraiment présent dans Mass Effect, c'est le côté l'Amérique. C'est vraiment le côté America fuck. C'est l'Amérique, c'est pas l'Amérique. Mais en fait, l'Alliance, c'est a une façon de se comporter au sein du monde. Non, c'est pas l'Alliance, c'est le Conseil. Le Conseil, voilà, c'est comment eux, ils incarnent ce truc. C'est la vision américaine de se présenter, en fait, sur la... De toute façon, c'est surtout parce que... Hein. C'est qu'il y a vraiment des influences très nettes de ce qui est en train de se passer. On est à l'époque où les États-Unis sont en train d'envahir l'Irak pour la deuxième fois, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté militariste à donf. Vraiment, la séquence où tu deviens Spectre, c'est... à un moment donné, tu vois les aigles qui apparaissent, tu vois les lance-flammes et les nanas en bikini avec le drapeau américain, quoi. Mais c'est vraiment ce fantasme du le bon militaire, en fait, du good guy with a gun, parce que avant ça, Saren, donc il est Spectre, il est en train de foutre un peu la merde potentiellement grâce à son statut et tout, et plutôt que d'être réflexif vis-à-vis de ça, le Conseil, il se dit pas peut-être qu'on devrait mettre des garde-fous, un peu mieux surveiller les Spectres, peut-être que leur donner les passes droits et tout, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, on va juste en élire un meilleur autre, Spectre un avec une plus grosse arme et un équipage, enfin c'est vraiment qui cette fois lui aura incarnera des vraies valeurs et aura des vrais principes et pourra défendre la vision du Conseil dans l'espace intergalactique. Et on reviendra en détail sur les dialogues, les options. Effectivement, on peut être plus ou moins bourrin et tout, mais globalement, on est le héros valeureux qui va sauver la galaxie, qui va résoudre tous les problèmes, soit en tirant dans le tas, soit en posant la main sur l'épaule en disant calmos, et c'est bon, il y a des gens, ça fait des années qu'ils avaient des convictions et tout, on leur dit, tu vas un peu trop loin, parce que t'as les bonnes stats dans le bleu ou dans le parangon ou renégat. Oui, je me rends compte que j'ai mal agi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai réduit en esclavage, je sais pas quel truc, mais maintenant j'arrête, tu as raison, merci. Saren, commandant, je sais pas. Saren, tu peux le pousser à avoir un éclair de lucidité, et il se suicide, tu vois, à la fin, si tu lui dis, voilà, ouais. Calmos, bon, ça va, voilà, ça c'est de la manipulation psychologique, pourquoi pas, tu vois. Mais après, c'est dans la lignée quand même des RPG, hein, je jette pas une énorme pierre à Mass Effect. Alors, quand même, sur le côté militariste, là, je trouve ça quand même assez propre à Mass Effect, en tout cas assez imagé dans la mise en scène et tout. Mais sur ce côté, le héros qui va sauver la galaxie, qui arrive à convaincre tout le monde, ça c'est le RPG de base. De toute façon, c'est vraiment de l'empowerment, c'est-à-dire que dès le début, en plus, t'es déjà un commandant. Ensuite, tu joues une heure et demie, tu deviens un spectre, t'es le premier humain à devenir spectre. Donc en fait, c'est un jeu où on nous fait ressentir la puissance. Le Normandie, c'est un vaisseau en fait. Spécial prototype avec des technologies incroyables. Tu comptes dans l'espace, tes actions comptent, et quand toi tu discutes avec quelqu'un, oui, toi tu vas être capable de lui faire changer de perspective, et c'est ça en fait qu'on a envie de donner en expérience de jeu. Et puis bon, j'avais senti un petit peu aussi ce côté un peu entre guillemets bas du front, tu vois, dans Mass Effect 2, qui va essayer de parler un petit peu de racisme. Et pour donner un exemple, hein, sur le côté un peu voilà, tout est solutionnable, c'est que le racisme, c'est pas un problème de société, de structure ou quoi, c'est que des individus qui aiment pas d'autres individus, et suffit juste de les corriger, de leur dire calmos, et ça se passe. Ou une balle dans la tête et c'est réglé. Un petit coup de poing aussi, pourquoi pas. Et donc voilà, ça c'est un peu comme ça qu'ils vont traiter le space opéra, donc avec des choses intéressantes d'un côté, moins de l'autre. Et je voulais mettre ça un peu en opposition avec un Star Trek, qui est effectivement la référence la plus évidente, parce que Star Trek justement, alors ça a pas toujours été le cas, mais assez rapidement c'est devenu une série qui est assez intéressante sur comment l'humanité pourrait évoluer. En gros, Star Trek, je vous fais un petit topo, l'humanité s'est effondrée à cause des problèmes religieux, les guerres, l'écologie, bref, tout ce qui est en train de nous arriver, et plutôt que de s'éteindre, eux ils sont plutôt optimistes. Ils se sont dit, l'humanité s'est unie autour de mêmes idéaux et de valeurs un peu humanistes. Et dans Star Trek, normalement, on ne va pas interagir avec les races extraterrestres. Si elles n'ont pas encore découvert le voyage spatial, on ne va surtout pas leur montrer notre existence pour qu'on les laisse faire leur vie. Il y a un côté un peu de non-interventionnisme qui est complètement opposé en fait à ce qu'on vit dans Mass Effect. Qui est plutôt interventionniste. Qui est très interventionniste, effectivement. Et c'est vrai que je pense que dans la présentation du jeu, à l'époque, moi, je m'attendais justement à ce genre de délire en me disant, waouh, trop bien, une espèce de Star Trek dans l'espace. Dans un jeu vidéo, et à l'arrivée j'avais pas du tout ça, donc je me souviens que j'avais été quand même pas mal déçu. Après, j'avoue que je connais pas, genre Babylon 5 ou des trucs comme ça, c'est peut-être plus militaire ou quoi, je sais pas, comme j'ai pas vu. Babylon 5, c'est un spin-off de Star Trek, si d'accord, je dis pas de conneries. Je me souviens plus exactement, parce qu'il y a des séries où je les ai pas toutes vues. Mais oui, non, mais de toute façon, il y a plein d'autres trucs. Battlestar Galactica, par exemple, c'est assez intéressant. Là, c'est vraiment les derniers survivants de l'humanité qui fuient en permanence, qui sont vraiment dans un exode et qui essayent de survivre aux Cylons qui veulent les exterminer. Donc il y a des situations dans les séries et dans les films et dans la littérature. Il y a des trucs qui étaient déjà là et qui était très intéressant, et je trouve toujours un peu dommage que les jeux vidéo ne s'appuient pas sur ces trucs-là et repartent sur des choses assez bateaux, basiques, et ça c'est un truc qui me gêne et qui m'avait gêné déjà à l'époque de Mass Effect quand c'était sorti. Mais bon, en attendant, ouais, c'est parce qu'on est à une période, comme on le disait, il y a quand même un virage à faire, quand même technologiquement, enfin, il y a quand même plein d'autres enjeux à faire en termes de développement et tout. Et là, c'était noté, donc le jeu a été banni de certains pays, notamment à Singapour, puisque voilà, à cause des fameuses scènes de sec qu'on a dans Mass Effect, puisqu'il y a ces fameuses romans, ces scènes où on couche avec soi, ça peut être Lyara, enfin bref, il y a trois. Quand on est homme, on peut coucher avec soi deux meufs, on a le choix de deux meufs, c'est Ashley ou Lyara, et si on est commandant femme, on peut coucher avec Lyara et avoir une relation homosexuelle. On peut pas coucher avec Kaidan quand on est un homme? Non, il n'y a pas de relation. Ah oui, d'accord, ouais, bon bah voilà. Enfin, pas de relation homosexuelle. Parce que les gamers, deux lesbiennes, ça passe, mais deux hommes gays, bon. On est encore un peu dans cet état d'esprit. Et finalement, ça a quand même choqué à l'époque. Il y a un segment assez connu où Fox News fait tout un petit segment dessus. Alors, rien à voir avec la relation lesbienne, pour le coup, tu pourrais dire que c'est ça qui a choqué ou quoi, mais c'est juste le cul en 3D, tu vois. C'est que, parce qu'on est encore à une période où on questionne un peu, toujours aujourd'hui, hein, mais on questionne encore beaucoup le jeu vidéo. Et comme là, il a atteint un certain palier de réalisme, entre guillemets, où on se méfie encore plus, est-ce que les enfants arrivent à faire la diff, nos pauvres ados, est-ce qu'ils vont pouvoir faire la diff entre le jeu vidéo et la vraie vie? C'est vrai que c'est du pain béni pour les médias réactionnaires, oui. Hein, comme Fox News, qui du coup se disent, bon, on a déjà tapé sur GTA avec le Hot Coffee, etc. Donc c'est facile. Là, on a Mass Effect. je veux dire, très concrètement, les scènes de sexe dans Mass Effect, enfin, on les a revues du coup, vu que tu avais fait le stream là, il n'y a pas longtemps, et j'ai refait le jeu, ça dure 20 secondes. Ouais, ouais. C'est, ah oui, voilà, c'est des petits inserts, etc. De ce qu'est le jeu, quelques années après, on a The Witcher qui va beaucoup plus dans le gras et dans le graphique, justement, de ce côté-là, mais ça reste très soft en réalité. Et quoi. God of War 3 en 2010, avec la scène d'Aphrodite où il couche avec et il y a une touche. Et il y a des meufs, ça a l'air, qui regardent et qui se touchent un peu, qui trouvent ça très. Voilà, qui sont tout émoustillés en regardant ça. Mais en fait, c'est aussi ça le jeu vidéo, tu vois, à cette époque. En vrai, faire des scènes de cul en 3D, eh ben, ça fait partie un peu de ce que le gamer a envie de voir. Du truc, à la fois côté dev et côté joueur. Et c'est vrai que bon, ça a été remis en cause un petit peu aujourd'hui, c'est pas encore complètement changé, mais on sentait qu'à l'époque, voilà, on était vraiment dans cette période de jeu vidéo qui, avec la 3D et la HD, il peut partir dans de nouveaux horizons, et notamment le cul en 3D. Et à l'époque, c'est vu comme mature, en fait. C'est ça le truc, parce que c'est pas juste on veut du cul, c'est qu'on se dit, maintenant on peut faire ça, on a envie d'être un peu plus adulte dans le jeu vidéo, et genre, c'est ça, être adulte, c'est coucher. Et en vrai, dans les exemples récents, je me souviens, ça m'avait un peu marqué, c'était Cyberpunk 2077, dans ses trailers, quand il se montrait, il montrait une héroïne meuf, et tu vois qu'elle a eu un coup d'un soir, et ça dit des relations matures, tu sais, tu dis, elle a couché avec quelqu'un, quoi, voilà, c'est tout. Cyberpunk 2077, c'est le pire exemple possible, hein. C'est vraiment le jeu le plus immature de l'univers, donc voilà. Je trouve que le jeu vidéo, globalement, avec le sexe, c'est encore très malhabile. C'est rare que tu vois un jeu qui veut, même au cinéma, en fait, c'est compliqué, franchement, à bien faire une scène de sexe, qu'elle soit intéressante, que les enjeux soient, qu'il y ait une raison qu'elle soit là, plus que pour juste émoustiller un petit peu la rétine, et c'est compliqué à faire. Le fait de la montrer est pas forcément intéressant en soi. Oui, c'est le pas fait toujours de traiter les relations, parfois, tu vois. Juste la cacher, c'est pas. Enfin, bref, tu vois, je trouve que c'est pas un exercice facile, je pense, sincèrement, vraiment, même en termes de création audiovisuelle, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, comment bien faire les choses? Et j'ai pas d'exemple dans le jeu vidéo où je me dis, tiens, ça c'était. Ah, si, The Last of Us 2. The Last of Us 2, je trouve que c'était assez pas mal, tu vois, avec. Enfin, je vais pas spoiler The Last of Us 2, mais je trouve qu'il s'en sortait pas mal du tout là-dessus. Oui, sur le côté graphique, mais quand ils montrent pas, tu vois, moi, Haven, je trouvais qu'ils traitaient le côté relation homme-femme, mais c'est ça, bon, après, c'est l'époque. Mais justement, vu qu'on parle d'époque, pour remettre un peu Mass Effect dans ce qui se passe avec l'arrivée de la génération HD, hein, parce qu'on est vraiment à ce moment-là du jeu vidéo, un de leurs objectifs, on l'avait dit avec BioWare, c'est de toucher un plus grand public et d'amener, en fait, le RPG, qui reste quand même un peu un genre de niche à l'époque, vers beaucoup console, plus, voilà, des nouveaux public, horizons, ouais. Les consoles, etc. Et donc, ben, ils vont faire un jeu triple A avec un univers inédit, ce qui est quand même pas rien de le noter. Et ben, pour ça, en fait, ils vont mettre plein d'éléments, voilà, de leur côté, sur le côté production value, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont essayer de viser très haut en termes de rendu, à la fois visuel et sonore, puisque c'est un des rares jeux à l'époque qui a un doublage intégral, à la fois pour le personnage qu'on joue, mais également tous les PNJ qu'on va croiser, et sachant qu'en plus ça a été un enfer à doubler pour eux, puisque on peut jouer un homme ou une femme, et surtout on a, plein d'options de dialogue à chaque fois, sachant que quand on dit un truc sur un ton particulier, le PNJ va répondre sur un autre ton, etc. Enfin bon, je vous invite à écouter d'ailleurs, si vous voulez. D'ailleurs, tu sais que j'ai vu encore une interview, et c'est Dean Takahashi qui fait l'interview, mais il y a toujours cette fameuse question justement dans ces jeux, la chose, c'est, et en équivalent de roman, à quel point vous avez écrit des mots? Mais ça c'est ouf, tu vois, de voir à quel point, tu vois, on a cette vision de dire, mais vous avez écrit beaucoup de mots pour ça. Ouais, c'est l'équivalent de 5 romans, hein, on est sur 400 000, un truc comme ça. Combien tu vois, de polygones? Oui, mais c'est assez rigolo, tu vois, dans ces jeux, encore une fois, je pense à des jeux aussi de David Cage et tout, où il y avait toujours cet argument, ça fait 5 romans, tout ce qu'on a écrit, voilà. 40 000 mots, après, 400 000. C'est toujours une info qui est intéressante à avoir, parce qu'on avait pu le mentionner pour Hades ou pour Disco Elysium, par exemple, où tu dis, bon, quand même, c'est du taf, tu vois, d'écrire tout ça, mais quand ça devient un argument commercial, mais parce qu'on est encore dans une époque, genre durée de vie et compagnie, où finalement on voit Mass Effect, alors si tu fais à 100%, c'est genre 40 heures, sinon en ligne droite, c'est du 15 heures, hein, ligne droite où t'écoutes quand même tous les dialogues et tout, et c'est trop court pour la presse, donc on est quand même dans une démarche, effectivement, on dit... T'inquiète, il y a du contenu, tu vas pouvoir y jouer. Mais pardon, je t'ai coupé. Du coup, ouais, c'est vrai que doubler tout ça, en tout cas, ça a été Enfer, sachant qu'en ça demande plus, des moyens de ouf. Enfin, c'est ça, ça a été doublé dans plusieurs langues. Ils ont pris aussi pas mal d'acteurs connus de l'époque. Alors, j'ai plus leur nom, mais je me souviens que dans une des citations là, que j'avais notées de la conf GDC, ils disaient en takeaway, en gros, en leçon qu'on a apprise de Mass Effect 1, c'est ne bossez pas avec des acteurs connus. Ça avait l'air d'être l'enfer, déjà, apparemment, de les gérer. Oui, déjà, ils doivent coûter trop cher, puis ça doit être très compliqué à gérer en enregistrement. Mais Mais voilà, déjà, rien que ce truc de doublage, ça va forcément beaucoup limiter les possibilités en termes de durée de vie, parce que ça veut dire qu'ils vont passer, sur les 4 ans de production, ils vont passer un an et demi à faire que de l'enregistrement et de l'intégration. Et surtout, si tout ça est doublé, c'est parce que tous les dialogues, toutes les scènes d'interaction avec les PNJ sont mises en scène. Mmh. Il y a vraiment cette nouveauté qu'on n'avait pas dans les vieux RPG. Prenez Baldur's Gate ou Planescape, on est vu de dessus, on a juste les dialogues et les personnages, ils bougent pas. C'est une boîte de texte, effectivement. Là, on a de la mise en scène, on a un champ contre champ, on a des animations faciales qui sont, pour l'époque, assez avancées. C'est pas encore un truc qu'on maîtrise trop. Et surtout, il y a ce fameux système de roue des dialogues, sur lequel, là, on va pouvoir revenir un peu plus en détail, parce que c'est vraiment un système de jeu qui part de beaucoup d'intentions, enfin, qui a beaucoup d'enjeux, on va dire, en termes de design et de ludisme du côté de BioWare. Ce qu'ils veulent faire, c'est de trancher complètement avec, justement, le système de boîte de texte où, Planescape, tu pouvais te taper 15 lignes à lire. C'était vraiment des jeux très verbeux, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des réponses simplifiées. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Bonjour, comment vas-tu, cher marchand ?», il y aura juste marqué « Salutations » et tu cliques sur « Salutations » et la phrase se lit. Et du coup, d'ailleurs, il y a tout un tas de mèmes sur l'écart entre ce que tu crois que tu vas dire et ce que tu dis réellement. On l'a vécu là, tous les deux, je pense, en jouant au jeu, où moi, je voulais être un peu ferme, elle a je sais pas, limite tué le mec ou un truc comme ça. Je fais « Oh, ok, d'accord. Bah, » tu tabasses une journaliste à un moment. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais il y a un mec aussi, je sais plus, qui a des hallucinations ou quoi, et le médecin te dit « Je vais donner des médicaments » et en fait, tu peux dire « Je vais accélérer les choses » et en fait, elle l'assomme, en fait, vraiment, pour qu'il dorme, tu vois. Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et même en dehors de ça, le système, il est encore très perfectible, hein, ce qui est normal, c'est encore les débuts, mais même dans le 2, hein, tu as des mots, parfois tu vois un mot-clé, tu dis bah elle va employer ce mot-clé, et en fait pas du tout, elle le contourne complètement, enfin il y a, voilà, ça marche bien, parce que c'est très lisible, tu comprends vite, les dialogues du coup passent vite, mais voilà, tu peux être déstabilisé parfois par ce qui sort vraiment de ce que tu as choisi. Et ces trucs qu'on continuera à vivre dans les Telltale, par exemple, parce qu'il y a encore ces problèmes, il y a notamment une scène dans Wolf Among Us où, si tu comprends pas bien, c'est en anglais c'est Glass Him, et tu peux dire je vais lui offrir un verre ou quoi, et tu prends le verre et tu lui éclate sur la gueule. Oui, forcément, c'est de l'interprétation. Mais l'objectif et l'intention derrière ce système de dialogue simplifié, c'est pour rendre le système de dialogue plus fluide, plus naturel. C'est vraiment un de leurs objectifs. Ouais. Ils en sont très fiers de ce truc-là. Et sur console aussi. Et sur console. Parce que c'est ça aussi, quand tu choisis avec un stick, c'est pas pareil que choisir avec une souris avec des touches. Et du coup, là, vraiment, cette idée de roue, de pouvoir circuler comme ça entre les réponses avec ton stick, eh ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et qui marche sur console. Et le petit détail qui nous semble aujourd'hui être un truc évident, mais qui pour l'époque était vraiment une petite révolution, c'est qu'en fait le choix de ton dialogue il apparaît pendant que l'autre personnage est en train de parler et tu peux lui couper la parole. Tu peux choisir ta réponse avant. Tu peux squeezer en gros le dialogue. Il me semble que tu peux l'arrêter et tu parles à sa place. Effectivement, tu peux peut-être contourner le truc parce que en fait, si tu choisis la réponse avant lui, je pense pas que ça lui coupe la parole. Ça le laisse terminer et ensuite il y a ce que t'as choisi qui va venir. C'est peut-être que moi j'avais tendance à zapper. Voilà. Par contre, tu peux peut-être choisir la réponse, appuyer sur le bouton pour passer au prochain. Et là, effectivement, ça fait comme si tu coupes la parole. Sinon, il y a un système, tu fais comme ça, ça permet de skipper tous les dialogues. Ça, ils en sont conscients. C'est-à-dire qu'ils le disent eux-mêmes dans leur système. Ils se sont dit, justement, s'il y a des gens qui veulent pas et qui veulent juste faire de l'action, vous mettez le stick dans la direction de réponse parce que du coup chaque ton, côté pragmatique ou conciliant est toujours lié à la même direction. Vous mettez votre stick dans la diagonale où vous voulez, vous martelez la touche et ça passe. Oui, parce que t'as un code dans les roues. En général, à gauche, tu vas avoir en savoir plus. Tu sais, en anglais, c'est investigate. C'est tout le lore et tout. C'est ça, le lore ou le choix entre réponse paragon, renegade. On reviendra là-dessus plus tard. Ça débloque les situations. Et à droite, effectivement, ça va être conciliant, vénère ou neutre. Mais tu fais avancer le dialogue. On dit pragmatique, pas vénère. Oui, c'est vrai. Mais on pourra revenir sur ça. On peut en parler. Je termine juste quand même sur la roue. En plus, ils l'ont breveté. Tu vois, tu disais, ils ont t'es fier. Et alors, pour être un petit peu plus clair, ils n'ont pas breveté juste le fait d'avoir une roue de dialogue, c'est le fait que soit attribué à certaines touches. Ça, je l'avais lu dans le bouquin, le détail, parce que c'était joystick un peu gauche. Et il y a d'autres jeux qui reprendront ce système de dialogue. Ils citent les reboots de Deus Ex et je sais plus, Total quelque chose, je sais plus. Bon, bref, j'ai oublié, mais il y a un autre jeu qui a fait un petit peu ça. Sauf que c'est pas sur les joysticks qu'il faut appuyer, ça va être sur croix ou carré. Et du coup, c'est bon, le brevet est contourné, il n'y a pas besoin de payer aujourd'hui, Horizon, il a un système de plein de jeux similaires, c'est un peu le même délire. De toute façon, ça a été repris et justement, c'est important de le signaler parce que ils ont quand même défini une nouvelle façon d'interagir avec ces PNJ et de faire du RPG aussi, en fait, tout simplement. Ce truc là du dialogue et du RPG, de le mettre sur console, quoi, parce que c'est aujourd'hui c'est naturel d'avoir ça sur console. Avant, c'était pas le cas, en fait, et même aujourd'hui quand ils rejouent, en fait, ça s'enchaîne pas très bien, il y a des délais entre les dialogues. Mais à l'époque, ça met sur le cul. Je me souviens, il y a une review, alors je sais plus chez qui, mais il parle d'une fluidité jamais atteinte, et je veux bien le croire, hein, ça y a pas de souci. On passe, de toute façon, c'est sûr que je prends l'exemple extrême, mais on passe d'un Arcanum ou d'un Fallout ou d'un Planescape, d'ailleurs Fallout. vous allez pouvoir voir ce que c'est un jour. Et à ce truc-là qui est effectivement fluide, parce qu'en plus, ils avaient un système de streaming des dialogues et qui fait qu'en gros, ils pouvaient anticiper, je crois, ils avaient 3 ou 4 dialogues qui étaient déjà préchargés dans sur la console. Donc, ce qui fait que tu pouvais skipper justement les dialogues, sinon ça aurait pas été possible, hein, parce que tout est lu depuis le disque. Donc, ils avaient vraiment une bonne techno derrière ce truc-là. Ça respecte Perfectible, bien sûr, mais c'est ce qui a fondamentalement fait changer le RPG. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de revenir, parce que avant Mass Effect, c'est pas tant le fait que ça soit en 3D, que ça soit un TPS, etc. C'est vraiment le fait qu'ils aient squeezé cette partie des dialogues en chintant le côté tour par tour, en rendant le truc plus dynamique, un peu plus naturel. C'est ça qui a fait évoluer le RPG et le jeu d'action 3D temps réel, TPS, puisque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on en est toujours là. Je veux dire, The Witcher 3, quelques années plus tard, il fait globalement la même chose. Horizon, qui reste une espèce de pseudo-RPG aujourd'hui, fait un peu la même chose, etc. quoi. Et avant de revenir un petit peu sur les choix, les trucs, je reviens sur la notion de mise en scène, où c'est quand même, quand il y a de la vraie mise en scène, c'est plus l'exception que la règle, parce que comme tu as dit, c'est champ contre champ, on peut dire que c'est la mise en scène, hein, mais c'est 95% des dialogues, c'est du champ contre champ, et vraiment avec le 2, tu vois qu'ils se sont dit, et si on mettait la caméra ailleurs un peu? Et là, il y a des vraies idées de mise en scène, ils vont réfléchir à des plans pendant les dialogues, il y a des persos qui vont être caractérisés, par exemple, il y a un perso qui s'appelle Mordin, qui parle très très vite, et il y a plein de cuts et tout, les caméras changent d'angle pour correspondre au personnage et faire un écho un peu à sa personnalité. Dans Mass Effect 1, il n'y a quasiment jamais c'est ça. C'est très plat, hein, c'est... Bah oui. C'est d'un calme... Encore une fois, ils ont développé l'outil pour faire leur cinématique pendant qu'ils faisaient le jeu. Donc en gros, ils ont créé les cinématiques assez tard dans le développement. Donc forcément, comme on le disait tout à l'heure, Hugo, forcément, une fois qu'ils allaient passer au deuxième épisode de la trilogie, ils allaient maîtriser leurs outils. Quoi. Ouais, clairement. Parce que vraiment, je me souviens juste quand t'as la scène avec Vrex, là, il y a une caméra un peu en Mexican standoff et tout. Et vraiment, ça m'a marqué. J'ai dit, oh là là, la caméra, elle a fait un truc. Oh, il y a une réale. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va revenir à ce fameux choix. Donc on l'a dit, hein, sur le côté droite de la roue, on a donc en général un choix neutre, hein, qui est un peu au milieu comme ça, on va pas vraiment s'engager sur un truc, et soit on va aborder la situation de façon pragmatique, pragmata, l'action en latin, qui une grosse patate dans la tête, quoi, globalement, c'est ça le pragmatisme, et d'autres c'est plutôt conciliant, donc ça va plutôt être axé sur la justice, on va essayer de prendre en compte les demandes de la personne en face pour essayer de se dire comment on peut solutionner le problème. C'est les deux façons de réagir, et ça en fait ça va définir, ça va en tout cas influer sur le système de moralité du jeu. Oui, c'est ça. En fait, à des moments clés du jeu, en fonction de la réponse que tu vas donner, tu vas gagner des points de parangon ou de renégat, et ça va te permettre après, dans ta fiche de personnage, petit à petit de débloquer des points, et ça va te donner accès à des options de dialogue vraiment spécifiques qui vont beaucoup plus loin. Et là, pour le coup, c'est vraiment la version poussée. C'est-à-dire qu'on est plus, tu vois, c'est vraiment le parangon de justice, justement, ou le renégat, où effectivement, tu mets des grosses patates dans la tête à tout le monde. Et ça, c'est un système qui est hérité de KOTOR et qu'ils ont repris aussi dans Jedi Empire. Je crois que KOTOR, c'était Jedi ou Sith, j'imagine. Ouais. Et Jedi Empire, je crois que c'est un truc, c'est école du poing fermé ou de la paume ouverte. Alors c'était truc lumière un peu et obscur, hein, je pense. Okay. Jedi, parce que t'étais pas obligé de jouer un Jedi, il me semble, dans KOTOR. Je crois pas. Donc du coup, j'ai fait que le 2, donc le 1. Oui, voilà. Mais en tout cas, plus ce côté gentil, méchant et voilà, qu'ils ont repris dans Jedi Empire. Et là, comme tu disais, donc les options de dialogue que ça te débloque, en fait, pour Paragon et Renegade, parfois, en fait, c'est les seules manières de débloquer concrètement la situation. Je disais, par exemple, je crois que c'est sauver Vrex ou faire en sorte que Saren se suicide. Si t'as pas les stats, tu ne pourras que choisir à droite, et en fait ça n'influera pas, t'es obligé de tuer Rex ou de te battre contre Saren si t'as pas assez de stats. Et par exemple, juste pour Saren, il faut avoir beaucoup de stats, il faut avoir fait des quêtes annexes, des trucs et tout pour nourrir ces stats. Et ça, par contre, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, parce que ça permet justement de récompenser les gens et de leur donner vraiment le sentiment que tous les choix et tout leur côté roleplay justement qu'ils ont incarné tout au long du jeu a des vraies conséquences, puisque ça leur permet d'accéder à des petites options supplémentaires. Alors ça va pas changer la face du monde, mais ça permet vraiment de donner un petit peu de côté concret à ce système de moralité. Qui a un feedback à tes choix et ta moralité. Ouais. Et qui à l'époque, il faut le dire, est quand même, même si aujourd'hui on peut le voir un peu en se disant c'est pas si incroyable que ça, à l'époque le standard ça reste fable, où là on est vraiment, c'est soit tu es un ange, soit tu es un démon, donc on est sur un truc extrêmement binaire, et justement ils ont essayé un petit peu de casser avec ça en essayant d'être un peu plus même dans si la c'est nuance. C'est quand même binaire. Voilà, ça reste assez binaire malgré tout, mais c'était leur intention de départ. Sachant que Paragon ou Renegade, en fait tu arrives à la même situation. c'est juste la façon dont tu arrives qui change. Après, tu disais, ouais, je suis d'accord, ça marche bien, il y a tout cet héritage RPG, un stat et tout, ça va bien. Mais c'est vrai que moi, ça contribue au fait que, voilà, t'es la personne qui va tout solutionner, c'est un peu expéditif. C'est à partir du moment où t'as la stat, c'est bon, tu vas avoir le bon dialogue, le bon truc, et ça amène à des situations, voilà, où tu poses la main, comme je disais, tu poses la main sur l'épaule, où tu vas dire, bon, on arrête, on se calme, et c'est bon, les gens t'écoutent parce que t'as la bonne stat. Je trouve que ça manque un peu de naturel, tu vois, dans l'écriture, du coup. Les RPG, Maxime, hein, c'est une grande histoire d'amour. Il faut le savoir. Écoutez, j'ai fait Baldur's Gate. c'est sa carte de joker. Et du coup, en fait, c'est le truc, c'est que justement, il n'y a pas forcément des. Il y a des conséquences, mais elles ne sont pas hyper importantes. Mais encore une fois, et je pense que c'est ça qui rend l'expérience intéressante, c'est que toi, c'est ça qui va donner la tonalité de ta run, quoi. Ouais. Se dire, bah voilà, est-ce que je joue plutôt Renegade ? Max, il nous expliquait que là, sur le 2, il a décidé de jouer un peu plus bourrin comme ça, parce que c'est drôle. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est toi, tu vas définir ta run et ton expérience de jeu en disant, bah voilà, est-ce que je vais la jouer plus en mode, bon, bah, je suis un salaud, ou je suis plutôt quelqu'un de bien, et c'est ça qui va changer un peu ton expérience de jeu, et finalement c'est ça qui l'a défini, quoi. Et ça, mine de rien, bah, c'est ça l'évolution du RP, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours sur du RPG où on est vraiment dépendant de ses stats, etc. Mais là, en fait, bah, tu vas effectivement un peu modeler, tu vois, ton expérience en choisissant tes dialogues, en choisissant un peu la tonalité, etc. On est quand même sur un truc qui se veut peut-être un peu plus réaliste, un peu plus crédible, tu vois, justement. Alors, c'est pas parfait, hein, bien sûr, mais c'est ça, finalement, une des grosses évolutions qu'ils ont fait, c'est vraiment leur système de dialogue, hein, je le disais, l'évolution du RPG de Mass Effect, c'est ce truc-là, quoi. Et là, c'est intéressant, c'est que ça fait partie des jeux où bah, tu questionnes ce qu'est un choix, en fait, dans le jeu vidéo, parce qu'au début on dit bah, un bon choix c'est un choix qui a des conséquences, et il y en a quelques-uns dans Mass Effect, hein. T'as des dilemmes où tu vas décider de faire certaines quêtes annexes, et ça aura des impacts dans Mass Effect 2, voire 3, des choses comme ça, et on a tendance à dire que voilà, c'est ça un bon choix, c'est un choix qui a des conséquences énormes. Les jeux se vendent souvent dessus, comme tu disais, tu vas sauver la galaxie en dialogue et tout, mais en fait il y a toute une autre catégorie de choix, comme vous le dites, hein, le côté RP, comment tu vas incarner le truc, même si tu arrives à la même conclusion, bah, il y en a, voilà, ils auront eu le Shepard bourrin, le Shepard machin, et en fait, c'est aussi des bons choix, hein. c'est une notion de choix, c'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences différentes que le choix n'était pas intéressant en lui-même, genre pourquoi t'as choisi d'être bourrin, pourquoi t'as choisi d'être gentil avec cette personne, genre moi je joue quelqu'un de bourrin dans le 2, mais parfois je me dis, mais j'ai pas envie d'être méchant avec cette personne-là, tu vois, donc ça en dit aussi sur toi, le simple fait de choisir cette façon de faire, c'est intéressant en soi, c'est légitime. Ouais, ça peut être un objectif en tant que tel, et c'est ça aussi qui va définir ton expérience personnelle à toi. Et ouais, je pense vraiment qu'on a eu un problème de hiérarchie, tu vois, de dire bah c'est les conséquences, alors qu'en fait bah pas forcément. C'est comment peut-être ça définit plus ton expérience plutôt que vraiment les conséquences que t'as. Parce que de toute façon, si tu fais qu'une run, bah tu vois la conséquence, tu fais bon bah ok, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change pas. Il y a souvent cette question, et en général, de toute façon, quand tu regardes, tu te dis bah en fait il y a pas grand-chose, parce que des jeux où il y a des vraies conséquences, à part les trucs bah un peu David Cage où ça part vraiment dans tous les sens, mais au final c'est plein de routes alternatives et t'as pas l'impression qu'il y a un canon. Bon bah il y en a pas tant que ça qui font ouais, un truc et puis comme ça. Le bon contre-exemple c'est The Witcher 2 quelques années plus tard, qui lui va se dire il nous faut des choix avec des conséquences, du coup ils ont fait deux jeux en un. Tu dis, ça a été un enfer sur terre à développer. Oui, voilà, c'est presque un peu absurde de séparer le jeu à ce point-là. Oui, c'est cool, tu dis ouais, c'est trop stylé, il y a un autre deuxième jeu dedans, mais tu dis oui mais bon bah, c'est juste l'acte 2, du coup qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, ouais, ça change un peu particulier vraiment tout. Ouais, bah ouais. Plusieurs heures, ton jeu, c'est pas du tout le même. Ouais, tu vois pas les mêmes persos et tout, mais voilà, ça a été très compliqué. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant de le soulever. Il faut pas non plus attendre d'un jeu vidéo que, bah, si on décide de tuer quelqu'un, ça va détruire la ville et du coup, quand on reviendra plus tard, tu vois, les MMORPG aimaient bien se vendre là-dessus. Je sais que le système de phasing de World of Warcraft mettait beaucoup ce genre de choix en avant, mais c'est trop compliqué à développer aussi. Donc c'est vrai que cette idée là de jouer à des jeux où les changements c'est plus comment tu interagis avec le monde, etc., bah toi ça permet d'incarner ton personnage, de garder quand même une certaine proximité, et en plus comme dans Mass Effect quand même beaucoup de choses tournent autour de ton équipe, de tes relations avec eux, etc., bah je comprends finalement que beaucoup de gens aient un attachement, tu vois, émotionnel assez fort avec la série, puisque bah ça, je sais plus si on l'avait dit, mais enfin on l'a déjà mentionné, tu gardes quand même une certaine continuité entre les épisodes 2 et 3 parce que tu peux garder ton Shepard, ta sauvegarde, et tu auras des petites conséquences du genre bah, si t'as sauvé quelqu'un dans le 2, tu vas peut-être le croiser, il te dira hey, merci, ça va, maintenant j'ai des enfants et tout, donc voilà, c'est des petites choses, mais ça permet, quand c'est ton histoire à toi que tu vis, de donner vraiment du sens à ce que t'as fait. Et puis bah, on parlait du coup de voilà comment Mass Effect est devenu du RPG AAA. C'est passé par une grosse production value, mais c'est aussi passé par vraiment des choix de construction gameplay, et là bah, on est vraiment sur un jeu qui est hybride, qui est à la fois donc un action RPG, il y a de l'exploration et il y a du TPS et du RPG. Et du RPG, du coup, oui, effectivement, en effet. Et voilà, c'est un jeu qui a le cul entre limite 4 chaises. Et en fait, qui a du mal à briller sur, sur quoi que ce soit, que côté gameplay, c'est un peu difficile de dire ah oui, Mass Effect c'était brillant. Enfin, il y en a, j'imagine qu'il y a des gens qui pensent ça, mais j'en ferai pas partie. C'est vrai que du coup, on se retrouve à avoir déjà des problèmes en termes d'échelle, puisque c'est un jeu qui demande des ressources graphiques énormes. Donc, on n'est pas sur des niveaux qui sont très grands. Ouais. On est dans des couloirs fermés. Enfin, le dernier couloir où on croise Vigil, c'est littéralement une ligne droite de 25 minutes et on se balade dans le macro avec Le level design, c'est une, enfin, pour moi, c'est une catastrophe. En fait, il y a du level design parce que oui, il y a des gens qui ont dessiné des niveaux, mais après, il y a vraiment pas beaucoup de réflexion derrière. Et ouais, quand tu tapes les planètes, là, quand tu fais les chemins en Mako, etc., c'est vraiment couloir, salle, couloir, salle, couloir, salle, couloir. En fait, il y a le level design ne sert, il est là parce qu'il faut qu'on se balade dans les niveaux, mais il ne sert aucune émotion, rien du tout. Bon, après, je vais pas aller chercher le jeu là-dessus en disant bon, le level design n'est pas bon, mais voilà, c'est vraiment bas de plafond. Et surtout, ça vient avec un gameplay TPS qui est vraiment pas au niveau déjà à l'époque. Il y a Gears of War qui est sorti un an avant, qui a quand même posé les jalons, qui avait défini plein de 3C. Là, c'est quand même très très mou, c'est pas très intéressant à jouer en fait. T'as pas de feedback, tu tires sur les ennemis, ils réagissent pas. Donc, au bout d'un moment, ils tombent, donc tu sais qu'ils sont morts, mais pendant que tu leur tires dessus, il y a même pas un petit impact, une étincelle, quelque chose, il y a rien du tout. Puis c'est du cover shooter, donc en fait, c'est le mauvais cover shooter, vraiment le truc où tu te poses, tu te lèves, tu tires, tu te poses, tu te lèves, enfin c'est vraiment. Après, ça c'est l'époque hein, aussi, parce c'est 2007 aussi, Uncharted 1. C'est vrai que c'est pas un bon client. Je trouve ça quand même un peu mieux que Mass Effect. Mais voilà, c'est vraiment pauvre en fait. C'est assez insipide à jouer, je trouve. C'est quand même intéressant de noter les trucs de level design parce que du coup, ça va à l'encontre d'une de leurs intentions liées à l'exploration et le fait qu'on soit un peu libre. Parce que c'est vrai que la scène, comme tu le disais en tout début d'émission, où on se penche comme ça sur la carte galactique, il y a la musique, on dit allez, en rencontrer, tu vois, commandant Sulo, allez sur la planète. Ça marche. C'est là que tes fantasmes se projette. Et t'arrives sur la planète et là par contre le rêve s'arrête quoi. Tu vois la petite le truc c'est vraiment le désert qui arrive. C'est ça le sad flute. La musique de Jurassic Park. Non mais franchement la première fois que j'ai appuyé donc je ramène sur un truc annexe et je vois on se drop en Mako et je vois une espèce d'étendue désertique avec un objectif au loin et un vieil balise dégueulasse avec trois ennemis, tu fais ah ouais, on est là quoi. Ah, c'est l'exploration quoi, c'est l'exploration de l'espace virtuel quoi. On a posé un plan, donc il y a un axe, c'est l'axe X comme ça, et on reste sur l'axe X et il y a des montagnes dégueulasses qu'il faut traverser. Oui, ah c'est fantastique. Souvenez-vous le Mako. Hein. Mais alors par contre moi j'aime beaucoup ce parti pris de faire pour le coup quelque chose d'absolument pas réaliste tu vois sur la conduite et tant mieux parce que voilà avec les montagnes ça aurait été compliqué donc le Mako qui est ce véhicule vraiment tout terrain tu vois où tu peux limite j'exagère mais monter à 90 degrés et qui est recouvert de flubber tout autour c'est de la gomme tu vois c'est une petite gomme quand il tombe fait boing boing tu vois il rebondit un peu il a ce côté un peu Rocket League moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir moi j'aimais beaucoup en combat sauter par dessus les missiles après voilà Maxime il se crée son propre fun et c'est ça finalement qu'il faut respecter faut bien donc le Mako en lui-même moi j'aime bien mais effectivement les ce qu'ils ont fait autour, tu vois, les circuits, les routes, c'est pas très intéressant. Comment il est mis en jeu et comment il est exploité. Et finalement, je trouve que c'est un peu ça aussi le problème partout. On en a pas parlé, mais sur le côté RPG, il y a pas d'enjeu en fait autour des stades, de qui je choisis, quel personnage je prends en fonction de ses pouvoirs et tout. Ça n'a aucune importance de qui tu vas choisir, qu'est-ce que tu vas faire. Non, parce que même en plus, le fait de prendre tes personnages, tu vois, des fois, quand tu joues avec des persos, tu vas te lier d'amitié avec eux, etc. Mais là, comme toutes les relations se créent dans les phases inter-missions, c'est-à-dire que quand tu reviens au Normandie, tu prends 20-30 minutes pour discuter avec tout le monde. Si tu te balades, moi je sais que par exemple, avec un de mes persos, j'aimais beaucoup Kaidan, mais je l'ai jamais pris avec moi parce que je préférais me balader avec des aliens qui faisaient des pouvoirs magiques. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est le côté RPG très allégé. C'est-à-dire que sur le côté exploration, c'est dommage parce que ils ont voulu faire un truc où il y a beaucoup de planètes, sauf que c'est trop ambitieux par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Il y a rien de spécial à y faire, donc c'est assez dommage finalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le 2 et le 3, ça a complètement disparu. Hein. Ils ont complètement viré cet aspect-là. Le Mako a beaucoup divisé les joueurs, même en fait, et sans le côté forcément les planètes pas très belles quoi. La maniabilité du Mako, il y a des gens qui détestent, tu vois. Mais en plus de ça, là, quand je voyais les tests, il y avait effectivement cette déception quand même des planètes. Il y avait un peu ce paradoxe parce que donc il y a deux types de planètes. Il y a les planètes qu'on peut visiter et il y a les planètes qui ont une petite fiche Wikipédia, voilà, qui disent un peu. Et les journalistes étaient en mode, oh, c'est dommage. En fait, tu sens la déception du journaliste qui a t'as vu la carte des planètes. Ouais, ils disent, ils y vont, il n'y a qu'une petite fiche Wikipédia, mais à côté, ils se plaignent quand même du fait que les planètes sont toutes un peu pareilles inspirées. Le fameux lose-lose. Hein. Bah oui, c'est ça. Et en fait, oui, ils prennent le truc quand même à l'envers où effectivement, les planètes qui ont une petite fiche, en fait, faut pas les voir comme une désillusion, quoi. Faut le voir comme un bonus. C'est-à-dire qu'ils avaient leur planète que tu pouvais visiter, ils ont rajouté des petites planètes avec des fiches, et voilà, c'est normal. Mais c'est ça. Du coup, quand on comprend ça, je comprends que plusieurs années plus tard, No Man's Sky, les gens en faisaient une espèce de messie, quoi. Parce que justement, ce rêve de se balader, tu vois, le rêve du jeu ultime dans lequel tu veux te balader sur les planètes et tout. C'est pas pour ça qu'on fait la blague des 1000 planètes avec Starfield, mais Starfield. Bah là, moi, je mets ma main à couper qu'ils vont se planter, évidemment. Ah, évidemment que les 1000 planètes, ça va être bien. Bah, moi, je suis sûr, moi, j'y crois là. Je trempe un ongle et je dis, les 1000 planètes seront pas toutes bien. Ouais, non, mais voilà, tu vois, on prend pas trop de risques. Mais voilà, Mass Effect à l'époque, ils veulent quand même donner ce sentiment d'exploration. Moi, je sais que ça avait bien marché sur moi pour une simple raison, c'est que justement, le codex, je trouve que toutes ces descriptions de planètes et tout, ça permet de t'immerger à fond dans leur truc. Ça donne vraiment beaucoup de cohérence. Faut lire un livre, quoi. Mais oui, mais et c'est ça. Il est doublé. Et en plus, c'est doublé. Pendant longtemps, Mass Effect, je disais, c'est une de mes plus grandes déceptions et ça aurait été magnifique en livre ou en série, tu vois, mais en jeu vidéo, ça n'apporte rien. Ouais, bah c'est ça, parce que quand on parle d'exploration ludique, tu vois, mécanique, de mécanique de traversée, etc., de level design qui va être formé d'une certaine façon pour te donner le sentiment de dire waouh, je découvre un nouveau truc. Ça, Mass Effect, il y arrive. Enfin, jamais. Tu balades, quoi. Mais. Et à côté de ça, ben, y a le côté TPS qui est très allégé, il y a le côté RPG qui lui aussi est allégé, donc c'est pour ça qu'on parle d'un jeu hybride, un côté un peu Master of None, parce qu'il n'y a pas aspect de son gameplay qui va vraiment réussir. Le RPG, alors par contre, ça a été pensé pour les Hugo Terra de la planète, parce que tu n'as pas besoin de monter tes stats toi-même, tu as un petit bouton qui fait automatique. Non mais encore une fois, regarde, moi j'aime bien le faire si je dois réfléchir. C'est-à-dire que si tu me dis, Hugo, tu dois penser par toi-même et te dire, ok, ça c'est un enjeu, donc qu'est-ce que je fais? Mais là, je m'en fous en fait, j'ai pas besoin de réfléchir. Moi-même le jeu, de toute façon, peu importe qu'est-ce que je choisis, ça va être la même chose. Les pouvoirs, les machins, il y a des persos, ils ont les mêmes pouvoirs. Il n'y a pas besoin de dire j'ai besoin d'augmenter ce perso, de lui faire faire du feu parce que j'ai besoin du feu pour tuer le monstre de glace de machin, tu vois ce que je veux dire. Si tu me donnes pas un challenge, pourquoi mon cerveau il s'active pas? Et je le dis honnêtement, hein, moi Mass Effect, mon cerveau il s'est rien passé, hein. C'était le calme plat quand j'ai joué à ce jeu, parce que c'est bien l'univers machin et tout, je suis pas forcément rentré dedans, et après à jouer, je trouve ça mais d'une platitude sans nom, quoi. Vraiment, je trouve qu'il y a pas grand chose, quoi, dans ce jeu. Ah non, mais moi je suis entièrement d'accord, hein. Y a pas grand chose, quoi, c'est vraiment vraiment plat. Et en fait, quand je vois des gens en parler, oui, je vois le souvenir, mais quand tu joues concrètement au jeu, là, quand tu passes 15 heures pour le faire, tu passes bien 10 heures à faire du TPS, de l'exploration et des machins. C'est ça que tu fais quand tu joues au jeu. Bah ouais. Et bon, puisque c'est le moment, moi, j'ai parlé, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais moi, ma plus grosse déception de Mass Effect 1, c'était par rapport à l'équipage. Ça se ligne un petit peu avec le gameplay. Comme tu disais, t'as des gens dans ton escouade, t'en choisis deux. Ils peuvent avoir des armes différentes. Tu peux, si tu pousses le truc, investir leurs points de compétence dans un style ou quoi, mais effectivement, t'as pas vraiment besoin de le faire. Et moi, j'avais cet espoir, en fait, que Mass Effect 1, t'allais avoir, voilà, ton équipage, tes persos, parce que c'est ce qu'ils vendent avec le Normandie. Tu vas construire des relations, c'est ce que tu fais, mais j'ai trouvé ça extrêmement léger, et notamment sur le côté chacun sa personnalité, son utilité, son rôle, tu vois, à bord de l'équipage. Si je prends l'exemple extrême, ça va être genre One Piece, mais parce qu'ils vont développer ça peut-être sur 10 tomes où tu rencontres le perso, il y a toute sa backstory, ils vont vivre un truc ensemble, mais il a certains pouvoirs, certaines personnalités, et il aura peut-être un rôle au sein du bateau, tu vois, est-ce qu'il est médecin, est-ce qu'il est charpentier, tu vois, quelque chose comme ça, ou tout simplement dans les choses qui sont même plus courtes, dans les films de casse, en général, tu vas avoir l'expert en infiltration, l'expert en explosif, normal. La personne qui va faire du social engineering, ouais. Qui va discuter, obtenir les passes et tout, enfin, il y a, ou juste la personne qui a assez de charisme pour réunir toutes ces belles teams, mais voilà, et chacun a son rôle, et t'as cette petite horloge, tu vois, qui va bien fonctionner ou pas en fonction de ce qui va se passer, et j'ai pas du tout ressenti ça dans Mass Effect. Et il y a eu un souci de rythme aussi quand tu embauches les gens, c'est pour ça que je disais la Citadelle, oui, ouais, t'en as trois pour le prix d'un, mais j'ai trouvé ça, mais ça a fait un gros flop à mes yeux, parce que déjà, donc tu commences, t'as Ashley et Kaylan, ok, très bien, on t'en donne deux, t'as le temps de faire une mission avec eux, tu vas à la Citadelle, boum, on t'enfile trois, ouais. Et tu ne peux en avoir que deux à la fois. Ouais, c'est ça, t'as même pas un moment où tu te dis, je récupère un personnage, je fais ma mission avec lui, et je me rendrai compte à quoi il sert dans une mission, parce que c'est ça, pour moi, un nouveau personnage, si tu m'ajoutes un nouveau membre de mon cast, je veux me dire, ok, ce perso, il me sert à faire ça dans situation de jeu, et du coup, quand je ferai ci, j'aurai besoin de lui, et ensuite, on m'en introduit un autre, on fait une petite mission avec lui, je m'attache, et ouais, c'est vrai que je trouve que le jeu te bombarde comme ça, et encore une fois, pas d'enjeu ludique à avoir tel ou tel personnage. personnages, pas vraiment le temps de t'y attacher. Et vraiment, je parle là aux gens qu'on fait toute la saga. C'est pour ça aussi que vous avez un rapport... t'as un rapport différent quand vous avez passé trois jeux avec eux. Mais je trouve que dans Mass Effect 1, si tu prends juste Mass Effect 1, je trouve que l'attachement au personnage, ouais, il se fait pas vraiment. Ou vraiment, faut se forcer. Le jeu ne le fait pas bien pour moi, toi. Moi, je trouve que c'est un jeu où il y a beaucoup de, tu vois, d'imaginaire. En fait, vraiment, je trouve que Mass Effect, c'est un jeu qui fait beaucoup appel à ton imaginaire parce que c'est... Moi, je l'ai toujours vu comme un univers, tu vois, une espèce de potentiel inexploité. Mmh. Et quand t'es à fond dans le codex, que tu lis les machins et tout, ben tu laisses ton cerveau faire le reste du travail. Et évidemment que tu t'inventes des trucs et tout. Mais quand tu regardes froidement, effectivement, les actions de gameplay, les dialogues, les machins, les bidules, bon, ça vole pas si haut que ça, quoi. Donc c'est vrai que ce qui fonctionne bien, finalement, dans Mass Effect, bah, c'est le fait qu'il y ait eu une continuité dans les jeux. Mais c'est vrai que pris indépendamment, Mass Effect 1, c'est pas un jeu incroyable. Et bon, après, ça joue aussi de toute façon sur un petit peu de la personnalité, du sensoriel, ça match ou ça match pas avec l'univers, puisque oui, malgré tout ce que j'ai dit, il y a quand même le Normandie, tu vas pouvoir parler individuellement à chaque personne, ils ont une personnalité, ils ont, tu peux débloquer une quête de loyauté avec eux, faire voilà, une petite quête qui leur est propre. Hein. T'en as aussi dans le 1, t'as aussi des quêtes qui sont propres aux personnes. Ouais, mais enfin, c'est pas présenté comme des quêtes de loyauté, il y a pas tout un système lié à ça. Et c'est pas, parce que dans le 2, vraiment, c'est une quête. Enfin, vraiment, on te dit, ah tiens, il y a machin qui veut te parler, tu vas lui parler, il dit, hey, j'aimerais bien faire un truc, et ça apparaît dans ton journal. Alors que dans le 1, t'as pas ça, mais si tu leur parles, en fait, entre chaque mission principale, ça débloque un dialogue et tout, tu approfondis ta personnalité, ta relation avec eux, et il y aura une quête à faire avec eux. Et donc il y a des gens qui ont vécu tout ça, avec qui ça a matché, qui aiment bien tel perso, surtout comme tu l'as dit quand même avec la trilogie, mais dès le 1 il y avait quand même quelque chose, ça a matché avec des gens, il y a des gens qui étaient déjà fans de tel ou tel perso. Oui, bien sûr. Mais voilà, moi je le fais en 2022, hein. Il y a ça aussi, hein. C'est aussi une réalité, on est 15 ans après. Ouais. Hein. Je l'ai fait en 2007, j'aimais pas non plus. Oui, hein. Ouais, mais de toute façon, moi je sais pourquoi j'y avais pas joué, hein. Savais que ça m'intéressait pas de jouer un TPS insipide avec une surcouche de RPG dans un space opéra. Il y a rien qui coche les cases du Gothéra, il y a rien du tout. Donc je savais, mais vraiment, ouais, aujourd'hui, en plus, bon, bah, c'est sûr que le TPS, c'est non seulement c'était pas très bon, je pense, à l'époque, parce que j'ai joué à Gears of War et je peux comparer, mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est, bah, non, j'ai clairement pas envie de jouer à ça, et même, tu vois, bah, la mise en scène et tout, on se dit, oui, à l'époque, c'est ouf, mais aujourd'hui, bah, c'est long, c'est plan-plan, c'est les champs contre champs et tout, tu vois, donc, il y a des choses qui ont vraiment dure 12 heures, enfin, du coup, c'est court, hein. Ouais, bon, ça, ouais, 12 heures, c'est quand même, tu vas, bon, tu fais, ouais, mais zéro, tu sais, moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, 12 heures sur Into the Bridge, je les passe comme ça, tu vois, parce que je kiffe ma life. Mais 12 heures sur Mass Effect, je les sens passer, tu vois, c'est long. Non, mais. Moi qui croyais que ça allait être moi l'énervé du jour. Mais, non, mais toujours est-il que Mass Effect, c'est ça. C'est, nous, ce qu'on s'est dit en revenant sur ce premier épisode, c'est que, ben, finalement, c'est assez étrange. Parce que si on regarde que Mass Effect, c'est impossible de se dire que c'est devenu une espèce de série culte où les gens, tu leur en parles, ils ont des étoiles dans les yeux, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve ça bien, tu vois, qu'on ait fait l'effort, toi comme moi Maxime, de dire bon bah on va rejouer au 2, moi j'ai refait le 2, je vais lancer un peu Andromeda pour voir ce qui s'est passé après, etc. Parce que j'essaye de piger, tu vois, le délire, quoi. Et de toute façon, même parmi les gens qui kiffent Mass Effect, en fait, dans ça, c'est des gens qui me l'ont dit, hein, pendant que je streamais, il y avait vraiment des gros fans. Les trois se mélangent un petit peu, tu vois, quand même dans leur tête, mais il y a des gens qui les refont et qui vont dire que oui, le 1, c'est un peu le tremplin, il va poser l'univers, les persos, et effectivement, c'est rarement le préféré des gens, sauf ceux qui ont aimé l'exploration, le Mako et tout, et ce sentiment de découvrir des planètes, mais ils vont le voir comme le tremplin qui permet de nouer les vraies relations avec les persos. Bon, moi je fais le 2, je le sens pas trop non plus, voilà, mais encore d'ego, parce que voilà, ça matche pas, voilà, Mass Effect et moi, ça matche pas. Sachant que derrière, le 3, il continue de pas savoir quelle identité prendre, et ça, c'est aussi, je trouve, un des. C'est pour ça qu'on parlait du côté hybride et le cul entre plein de chaises, parce que Mass Effect, c'est une série qui n'a jamais trop su où aller. Il y a trois jeux, trois gameplays différents, trois enjeux très différents, trois approches du RPG qui sont très différentes. Le 3, c'est clairement uniquement un TPS action, il y a une petite couche de RPG, mais c'est toujours mis en retrait. Andromeda, ils essayent de revenir à quelque chose de plus moderne, avec des grands espaces, un peu de procédural, machin, mais du coup, ben, là aussi, ils se perdent dans d'autres aspects et côté narratif aussi, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Et bizarrement, Mass Effect, moi, je trouve, avec le recul, que c'est une série qui a jamais vraiment accompli son plein potentiel, tu vois, c'est-à-dire que il y a des bases qui ont été posées, un univers qui a été imaginé par BioWare, où il y a des choses intéressantes, il y a des trucs un peu bidons, mais on pourrait les oublier, et j'imagine que dans le prochain Mass Effect sur lequel ils bossent, ils vont avoir une écriture et une lecture peut-être plus mature réellement des choses, mais voilà, c'est un truc qui pour moi a jamais vraiment réalisé son potentiel, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un jeu culte et pas un classique, c'est ce qui fait que Mass Effect c'est pas The Witcher 3, ouais. C'est que c'est pas genre la série genre à 30 millions d'exemplaires et tout, tu vois, en fait, qui fait que bah, y a rien, bon, même si je suis pas non plus un immense fan de The Witcher 3, mais tu vois, c'est difficile de pas reconnaître que bon, il y a quand même des vrais arguments, quoi, et je trouve que le jeu, de toute façon, façon, même les gens qui l'aiment, en fait, tout ce qu'on a dit sur le TPS, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va me hurler dessus, en fait. Parce que bah, c'est là, et encore une fois, je pense que c'est une question de sensibilité, à quel moment tu y as joué dans ta vie. Et effectivement, bah, tu avais joué au 1, tu te dis, vas-y, je me lance dans le 2, et le 2, bah, a priori, il y avait quand même plein d'améliorations. Et du coup, bah, voilà, ça cimente ton amour pour la trilogie, tu fais tout le truc. Et je comprends, en fait, à l'époque, si j'avais été un peu enclin à jouer à ça, c'est certain que j'aurais fait le 2 après, parce que bah, c'était pas la même offre, il y avait pas autant de jeux, etc. Donc, je le découvre pas dans le bon contexte. Et après, bah voilà, c'est encore pas ma cam, donc c'est autre chose. Mais voilà. Non, mais faut vraiment aussi le prendre sous l'angle de la trilogie, ouais. Comme tu dis, c'est que t'as quand même des choix qui vont se retrouver dans le 2, dans le 3, et ça, il y a des gens qui surkiffent. C'est vrai que maintenant, en 2022, moi, ça tient très souvent des lignes de dialogue ou un petit mail que tu vas recevoir. Il y a quelques exceptions, hein, mais globalement, c'est beaucoup ça, et je trouve ça un peu léger. Bah, moi, ça m'impressionne pas, en fait. Tu vois, c'est partie des trucs du jeu vidéo qui m'ont fait rêver, tout simplement, je pense, de me dire, waouh, il y a un mec, il a pensé à un truc que j'ai dit dans le premier épisode, et là, t'es. Ok, ouais, mais ouais, en fait, ça vient jamais contrebalancer tout ce que je peux avoir d'expérience sur le jeu. Pas, tu vois, dans Undertale, moi, c'est un truc que j'adore. Quand le jeu, il me prend en surprise ouais, et que du coup, il se rappelle d'une action que j'ai faite et il me met face à ce truc-là. Ouais, mais Undertale joue vraiment là-dessus. Et ouais. Undertale, c'est bien écrit, oui, c'est surprenant. Oui, bien sûr. Enfin, ça va, en fait, avec tout le reste. Ouais, alors ouais. Que là, c'est genre, il y a ça dedans. Mais en fait, tout le reste, bah, non, c'est vrai c'est qu'on pas a là. Le côté, on coche une case. C'est-à-dire qu'on a vendu le jeu sur la continuité et la cohérence. Bon, bah, du coup, on coche la case de bah, souvenez-vous, il s'est passé ça. Mmh. Quoi. Et de toute façon, si on veut ouvrir un petit peu la boîte de Pandore qui est Mass Effect 3, en parlant rapidement, c'est un jeu qui a tellement divisé les fans et qui a vraiment fini de séparer les gens de qui aimaient Mass Effect de Electronic Arts définitivement. Parce que bah, y a eu tous ces problèmes avec la fin, ils ont dû sortir des DLC. Enfin, il y a eu tout un tas de bordel qui s'est passé autour de ce jeu-là, et moi j'ai trouvé ça un poil triste en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'avec le recul je me dis, bah Mass Effect vraiment, non seulement ils ont pas pu réaliser leur potentiel, mais en plus EA a fait en sorte que ben on les oublie quoi, parce que du coup Mass Effect aujourd'hui, ben là ils annoncent qu'ils sont en train de bosser sur un prochain jeu, ils sont dans une phase un peu, ils sont dans un gros marasme en ce moment qui leur va pas du tout, Battlefield ça va pas, ils ont perdu la licence Star Wars, ils ont perdu la licence FIFA, enfin il y a plein de problèmes, et donc ils se retournent vers des vieux jeux comme Dragon Age et Mass Effect qui étaient un peu leur... voilà, des fleurons de leur catalogue à une époque, et je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce que Mass Effect, à l'époque, c'était un jeu charnière, vraiment, voilà, c'est un jeu qui a fait amener le RPG vers le grand public, avec beaucoup de production value, qui a revu un petit peu les codes du RPG pour les rendre un peu moins austères, etc., avec un peu d'exploration des personnages, machin. Un univers propre. Tout un univers original aussi, qui, ça, pour le coup, est vraiment inédit. Hein. Il y a très peu de studios qui, aujourd'hui, pourraient se permettre de lancer une série comme ça. Enfin, tu vois, quand Horizon est sorti, c'était genre, waouh, une nouvelle IP, etc. Ouais. Parce que lancer un nouvel univers, c'est dur, c'est compliqué, ça prend du temps. Après, on a regardé, tu vois, en 2007, il y en a plein des nouvelles licences qui sont installées. Oui, ouais. BioShock, Assassin's Creed. C'était une autre époque aussi, ouais, où justement, il y avait quand même des licences qui sont installées. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, ça, c'est évident, tu vois. Ouais, voilà. Mais c'était déjà difficile à l'époque, c'est juste que. Ben, il y a cet engouement de la HD, il y a de la place, tu vois, il y a le recul de l'industrie Jap, donc il y a aussi de la place là-dessus. Mais ça, c'était quand même, faut pas leur enlever ça. Moi, je trouve que c'était quand même ballsy de leur part de se dire, bah, on va lancer un nouvel univers, et surtout après avoir dit non à Star Wars. Enfin, je veux dire, c'est Star Wars, quoi. Tu vois, s'ils savaient des années avant qu'il allait avoir le délire avec Disney et on en boufferait toutes les 3 minutes, je pense qu'ils auraient peut-être dit oui, j'en sais rien. Tu non, vois. Mais oui, Mass Effect, voilà, comme on l'a dit, ça a jamais atteint les grandes sphères comme voilà, Assassin's Creed ou quoi, mais ça a touché, ça a atteint beaucoup de gens. Il y a eu la trilogie. Je pense que ça avait quand même un moment particulier, tu vois. Si toi, tu joues à Mass Effect en 2007, tu kiffes, t'as les DLC, 2 ans après, t'as le 2, 2 ans après, t'as encore des DLC, 2 ans après, t'as le 3. Tu sais, c'est un peu ta série, en fait, jeux vidéo. Tu peux partager ça avec des gens, t'as un univers. Sur une même génération qui a vraiment existé, qui a marqué ton expérience de joueur ou de joueuse sur cette console-là. Ça me surprend pas du tout, tu vois. Alors, on en a pas mal discuté entre nous, c'est relativement unique. Il y a des trilogies, il y en a des tonnes, des séries de jeux, il y en a des tonnes, mais une série de jeux que t'as commencé sur une génération de console, tu l'as terminé sur la même génération de console, il s'est passé des tonnes de trucs, t'as eu des tonnes d'histoires, t'as eu des personnages, t'as eu une continuité. C'est vrai que là-dessus, bah, Mass Effect, ils y arrivent bien, quoi. Dragon Age le fait un petit peu à son échelle, mais bah, les jeux, ils sont sortis d'une génération à l'autre, parce que c'est un autre épisode, mais Dragon Age, c'est pareil, c'est une série qui a connu beaucoup de hauts et de bas, quoi. Bah, de toute façon, Mass Effect va vraiment marquer pour BioWare une nouvelle ère, en fait. Parce qu'il y a l'arrivée d'EA déjà juste à la fin. Hein, juste à la fin, c'est ça aussi qui va changer les choses pour c'est BioWare. C'est le début de la fin. À l'époque, BioWare, c'est qu'un seul studio, alors qu'en fait, après, ça va être très vite 2, 3, 4 studios, entités différentes qui sont réparties à travers les États-Unis et le monde, je crois même. C'est possible. Et tu te dis, bah voilà, c'est une autre histoire et qui va être compliquée, qui va être traversée par plein de choses. Les BioWare, on peut penser à. Il y a Andromeda, Anthem, qui sera encore plus récemment. Et finalement, c'est un studio qui a connu un destin ensuite un peu plus chaotique, qui a eu un destin riche, qui a fait vraiment plein de choses. C'est un studio qui est souvent revenu dans les discussions parce qu'ils sont actifs et ils produisent des choses. Mais voilà, ça va être compliqué par la suite. Ils ont pris avec Mass Effect un très bon virage au très bon moment. Ouais. Comme on l'a dit, la next gen, ça représentait un vrai moment. Ils ont arrivé, voilà, je vais pas tout leur faire, mais la production value, 3D, RPG, machin, grand public, console, ils ont parfaitement pris ce virage. Et le virage d'après, qui aurait peut-être été le jeu service avec Anthem, là, ils l'ont complètement foiré. Ils ont pris le virage, là, ils sont tombés dans le décor, là, ils n'ont pas drifté correctement. Et voilà. Ouais, et bon, alors, il y a beaucoup de raisons à ça, mais c'est vrai que c'est assez triste de se dire que voilà, ils lancent une nouvelle série et à ce moment-là, ils se font racheter par l'éditeur qui va faire en sorte, avec tout le mercato interne, parce qu'il y a plein de gens qui vont partir, ils vont effectivement les forcer à fusionner avec tout un tas d'autres studios, et ça a donné tous les emmerdes et les accidents. Enfin, Anthem, ça reste un des gros accidents industriels de ces dernières années. Il n'y aura pas de Redemption Story. Hein, ils l'ont fait croire là, pendant un temps et ils l'ont filmé une balle dans la tête. On peut le mettre avec Evolve avec cela. Bon, écoutez, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Mass Effect. Voilà, l'épisode de la Blacklist, il est fini. Est-ce qu'un jour, il y aura Mass Effect 2, Mass Effect 3? Je ne suis pas sûr. Personnellement, je ne militerai pas pour, je vous le confie. Moi, j'aimerais bien, tu vois, un jour, s'il sort ce fameux nouveau Mass Effect, ça sera peut-être l'occasion d'y revenir. Ça, c'est différent. Là, c'est mais sûr qu'il y a un Mass vrai Effect. Mais les jeux de l'époque, maintenant... J'aurais peut-être la curiosité de me lancer dedans. C'est vrai que c'est compliqué. Après, n'hésitez pas à en parler sur le Discord ou quoi. Hein. Mais c'est vrai que si là, les Mass Effect 2 et 3, on va surtout parler du lore. Ouais. Et vous avez compris qu'on n'est pas hyper. Est-ce que vous voulez un épisode comme ça? Enfin voilà, nous je suis pas sûr parce qu'en termes de gameplay, il y a des choses à dire sur les évolutions, les trucs, mais on l'a déjà abordé là, ce qu'ils ont laissé ou pas, ce qu'ils ont allégé. Il y a des détails dans lesquels on peut rentrer sur le système RPG ou quoi. Mais bon, si c'est pour faire 20% ce qu'ils ont fait en termes de choix de gameplay et 80% le lore, l'histoire et tout. C'est pas l'intérêt de l'émission. Donc au final, nous on était quand même content, j'ai envie de dire, parler de Mass Effect. Non, mais ça a été difficile parce que c'était un moment quand même important du jeu vidéo, donc c'est sympa de les faire pour sa culture personnelle, c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on savait à l'avance que ça allait être un peu plus difficile parce que c'est un jeu où on était conscient qu'on n'avait pas grand chose à en dire. On espère que malgré tout. Plan de vue, game design et tout, c'est ça en fait, il n'y a pas énormément à analyser quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu encore une fois de lore, etc. Et on le voit bien en fait, les gens quand ils nous en parlent, ils nous parlent de ça. Ouais. C'est vrai de que leur c'est relation notre... avec les personnages. Ouais, c'est vraiment ça. L'attachement, tu vois, les gens, les ornis, la team ornie, Nergul et tout, la team Discord. ça fait du name dropping, ça fait oui, non, mais de toute façon, ils se reconnaissent, tu vois. Et ils le savent très bien, c'est ça, en fait, qui les retient. C'est les relations qu'ils s'imaginent, parce que actuellement, ils les ont. Non, mais attention. Les relations parasociales avec les personnages de Mass Effect. Mais non, mais c'est parce que concrètement, dans le jeu, c'est pas si bien écrit ça, c'est pas si intéressant, tu vois. Mais par contre, il y a le côté projection, on s'imagine des trucs, on vit des trucs. On lit un peu le lore et tout ça vient enrichir notre imaginaire. Et là-dessus, je trouve qu'ils s'en sortent très bien Mass Effect et ils ont donc un vrai potentiel à transformer. On verra s'ils y arrivent dans quelques années. Mais en vrai, c'est quand même intéressant de se pencher sur certains trucs, de recontextualiser un peu le jeu à l'époque. Tu vois, la fameuse roue des dialogues, en fait, finalement, à l'époque, ça a un vrai sens, tu vois, sur le côté suggéré. Ça a eu un impact sur tellement de jeux. Voilà, depuis c'est des choses qu'on voit toujours aujourd'hui. Non, c'était quand même intéressant de s'y pencher. Moi, je regrette pas de l'avoir fait parce que le jeu. Très tôt le TP, j'ai fait ok, ce sera ça. Voilà, mes exigences, je baisse le levier, c'est bon, on verra autre chose. Et c'est quand même partagé quelque chose, tu vois. Mass Effect, tu partages quand même une certaine culture avec des gens qui l'ont fait, tu vois de quoi ils parlent, tu vois, voilà, qu'on aime ou pas, finalement, c'est pas le sujet, mais ça crée un pont avec des gens qui. Tu l'as fait en stream, c'était aussi une bonne expérience. C'était cool de je pense que c'était une bonne idée de le faire en stream, justement. Et à la rentrée, pour les gens qui nous écoutent encore, on va prendre sur nous pour justement mettre en place ce système de streaming un peu plus régulier. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre. Mais on va vous en reparler. On va en reparler de toute façon. On vous donne rendez-vous, je crois que c'est la fin du mois d'août. Fin août, sur le Discord ou sur le Twitter, pour être au courant de tout ce qui va se passer vraiment sur la rentrée. Événements. Oui, non, mais voilà, il va falloir suivre. Je vous recommande vraiment d'être présent et présente parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Si vous voulez être au courant des actus, de toute façon, on a le compte Twitter sur lequel on va parler. On a le Discord, et sinon bah, la chaîne Twitch, c'est fin du game JV, tout attaché, comme le compte Twitter. Facile à trouver. Voilà, on est très facile à trouver. Les liens seront mis en description, et voilà, vous aurez les news. Il y a plusieurs centaines d'abonnés à cette chaîne Twitch, donc voilà. C'est vrai qu'il y a déjà des subs. Presque. Ah oui, il y a des abonnés. Oui, pardon, je pensais que tu parlais des followers. Non, des followers, oui, c'est ça. On vous remercie aussi sur le Patreon. J'espère que les fans de Mass Effect seront toujours avec nous. On vous aime. Il y en a des gens. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont répondu à un de mes tweets. Ils me disaient je soutiens une émission qui va dire du mal de mon jeu préféré. C'est la vie que j'ai choisie. Et ben je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes très forts. On remercie également le PlayStation Plus d'avoir sponsorisé cet épisode. On vous rappelle que donc le PlayStation Plus c'est trois paliers. Le PlayStation Plus Essential, le PlayStation Plus Extra, le PlayStation Plus Premium qui vous débloque au fur et à mesure un des paliers différentes options, voilà, une ludothèque de plus en plus massive, il y a plein de jeux dessus, vraiment largement de quoi s'occuper sur PlayStation. Je pense que si vous là venez d'acquérir une petite PlayStation 5, Pas besoin d'acheter de jeux avant quelques mois, Là, je pense que vous êtes à peu près tranquille. Donc merci à Sony et PlayStation de nous soutenir. Nous, on vous l'a dit, on se retrouve en septembre, c'était le dernier épisode de la saison. C'est la dernière fois qu'on parle dans vos oreilles. On se retrouve en septembre. Salut, ciao. I can't make it on my own.